Ça va être une conférence importante puisqu'il s'agit de développer le thème de la préscience. Alors, ce thème-là inclut nécessairement la prédestination de l'homme. Avons-nous une prédestination? Sommes-nous prédestinés, programmés? Quelle est la part de notre libre arbitre dans cette prédestination? Et s'il y a effectivement une préscience, cela veut dire que l'on peut connaître les événements à l'avance, et si les connaissant, comment y parvenir? Est-ce qu'on peut changer à ce moment-là les événements qui sont programmés? C'est la grosse question. Toi, moi, c'est que tu me poses toutes les questions de l'heure. Au début, ça, je peux dormir. J'en ai pour une heure, ça, ben... une ronflette. Bon, préscience, prévoyance. La prévoyance ou la voyance, c'est la terminologie que l'on emploie pour expliquer, pour communiquer l'état, l'humain ou le fait de connaître l'avenir. Préscience, ce n'est pas de la voyance, ce n'est pas de la prévoyance, donc ce n'est pas une espèce de mancie qui peut permettre à l'humain de connaître son avenir. Préscience veut dire savoir avant. Pré, avant, science, savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut vouloir dire, ou enfin, qu'est-ce que moi je peux vouloir dire par savoir avant de savoir? Je parle donc suffisamment depuis déjà quelques années de la connaissance, qui est l'accumulation d'expériences, l'accumulation d'informations, l'accumulation d'apprentissage. Tout cela est mémorisé et cela est la connaissance chez l'homme. Cette connaissance lui permet de penser, de réfléchir, d'avoir des idées, de s'ennuyer, d'être nostalgique, de regretter et d'envisager l'avenir. Mais je parle aussi d'autre chose, je parle du savoir. Et le savoir, c'est quelque chose qui est obligatoirement instantané. Donc, lorsqu'une personne a un savoir, cela veut dire que nécessairement, elle a un savoir qu'elle n'a pas en connaissance. Lorsque l'être humain est relié au savoir instantané, c'est qu'il a accès à une source d'information, si l'on peut dire, et source d'information qui ne vient pas de lui et qui ne provient pas non plus de l'apprentissage ni de l'expérience. Alors, l'exemple pour les personnes qui, peut-être, entendent parler du savoir instantané pour la première ou le deuxième ou la troisième, même jusqu'à la dixième fois, on a de la misère à le saisir. Après ça, ça va. Lorsque celui qui est relié au savoir instantané, antiquement appelé Saint-Esprit, lorsqu'il a faim et qu'il est dans la forêt, lorsqu'il rencontre deux plantes, il mange celle qui est comestible, parce que ce n'est pas intelligent de manger celle qui est toxique. Tandis que l'humain normal, l'homme ancien, a besoin, lui, de connaître les plantes. Parce que s'il ne connaît pas les plantes, il ne saura pas, justement, laquelle des deux est comestible et laquelle des deux est toxique. Et ce n'est pas intelligent. L'homme ancien, l'humain normal, est intellectuant, c'est-à-dire que son intelligence ou son apparence d'intelligence est déterminée par ce qu'il connaît et par la faculté qu'il a de se souvenir de ce qu'il connaît, de ce qu'il a appris. Tandis que l'intelligence, c'est réellement intelligent de savoir des choses qu'on a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'on le sache. Vous avez une panne d'automobile, vous ouvrez votre capot, vous arrangez la panne et vous repartez. Ça, c'est intelligent. L'intellectuance de l'humain, qui l'oblige à vivre selon une forme d'efficacité reliée et dépendante de la faculté qu'il a de se souvenir et d'apprendre. Alors, s'il ne connaît pas la mécanique, il va ouvrir le capot et il va avoir l'impression qu'il y a une espèce de gros monstre là-dedans, avec autant de fils qu'il y aura de pistons, ou donc autant de pattes qu'il y aura de pistons. Il ne pourra pas rien faire. Ça, c'est pas intelligent. C'est intellectuel. C'est humain, mais ce n'est pas divin, ce n'est pas surhumain. C'est normal, mais pas brillant. Donc, le savoir instantané, c'est la faculté qu'a l'homme nouveau de pouvoir répondre ou de pouvoir savoir sans avoir nécessairement expérimenté tout ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire qu'il le sache. Alors, moi, on me pose des questions et je réponds. La plus grosse farce que j'ai faite à un moment donné à un public, ça a été lorsqu'on a fait une conférence sur la cosmogonie d'Urantia. Et François m'interviewait, alors moi, j'ai commencé à dire que je n'avais jamais lu le livre. Je n'avais jamais lu la cosmogonie d'Urantia et ça ne m'empêchait pas d'en parler. Alors, il y a beaucoup de publics, beaucoup de personnes qui ont été drôlement déçus. Ils ont dit « on s'est fait fourrer ». Le gars, il va faire une conférence à Cosmogonie d'Urantia, puis il l'a jamais lu. Alors moi, j'avais expliqué que le gars qui l'avait écrit, il avait écrit la Cosmogonie d'Urantia, puis il l'avait jamais lu, lui, non plus. Alors si lui pouvait écrire dessus, moi, je pouvais parler dessus. C'était pareil. Si on donnait une autorité à la cosmogonie, il fallait donc donner une autorité au gars qui l'a écrit. Et le gars qui l'a écrit, il l'a pris où? Alors, tout le monde acceptait que le gars, là, il l'avait pris... On s'en fout. Mais parce que moi, je suis vivant, parce que moi, j'étais devant le monde, moi aussi, je l'avais pris à la même place que le gars, mais on s'en foutait pas. Il fallait que je l'aie lu. Alors, l'humain ne voulait pas savoir sur la cosmogonie. L'humain voulait avoir une opinion sur la cosmogonie. L'humain, ceux qui étaient dans la salle, voulaient que je leur donne une opinion, mon opinion, sur ma lecture de cosmogonie. Autrement dit, François peut faire la même chose et tout le monde peut venir donner son opinion. Et les humains avaient payé un certain nombre de dollars pour venir entendre une opinion. Et parce que ce n'est pas une opinion que je leur donnais, mais je leur parlais de la cosmogonie, alors ils étaient frustrés. Bon, sans doute qu'on n'avait pas chargé assez cher. Bon. Le savoir instantané, c'est un savoir instantané. Je n'ai pas besoin d'expérimenter des choses pour pouvoir en parler. Et c'est l'apanage de chacun d'entre vous d'arriver à ce savoir instantané. Pour cela, vous allez devoir finir par faire taire vos connaissances et transposer la confiance que vous avez dans ce que vous avez vécu. Transposer cette confiance dans ce que vous vivez. J'ai fait suffisamment de conférences sur ce thème et de toute façon, on n'a pas fini. On commence à peine. La préscience. La préscience se situe entre la connaissance et le savoir. Post-connaissance, préscience, synonyme. Alors, la préscience, ce n'est pas la faculté qu'a l'homme nouveau de connaître sa destinée. Pas de la préscience. L'homme nouveau n'a pas besoin de connaître sa destinée, l'homme nouveau s'en fout. La préscience, c'est un état qui va de plus en plus se développer dans l'homme, dans la femme et dans l'enfant. Un état qui est présentement relativement développé chez les jeunes qui vont à l'école aujourd'hui, mais qui peut être développé aussi chez vous. Sinon, veux pas, à un moment donné, vous allez devenir prescient. Savoir avant de savoir. Cela veut dire être capable d'avoir un contact avec le savoir instantané sans ou avant d'avoir ce contact. Ça a l'air ambigu, je vais expliquer clairement, mais c'est subtil. Il y a une nuance entre le fait d'être relié à un savoir instantané et le fait d'avoir un cerveau neurologiquement suffisamment orchestré, reprogrammé, suite à une mutation neurologique qui, présentement, s'opère dans la tête de beaucoup d'entre vous. Et lorsque la restructuration neurologique permet à votre énergie mentale d'être capable d'avoir un potentiel logiférant, un potentiel de coordonner logiquement toutes les données qu'elle perçoit de la vie, elle va les amalgamer selon une suite qui est presque en résonance parfaite avec la réalité. Ce n'est pas du savoir instantané, mais on est tout à fait au-delà de la connaissance. C'est de la préscience. Cela veut dire que l'homme ancien, l'homme, disons, normal, essaie de prévoir ce qui va arriver. Il spécule, il extrapole. Il essaie de prévoir si c'est un homme d'affaires, la chute des compagnies à la bourse. Si c'est un médecin, il essaie de prévoir l'état de ses patients. Si c'est un météorologue, il essaie de prévoir les conditions du temps. Et si c'est un voyant ou une voyante, il essaie de prévoir la destinée. Presque 100% ou disons 95% de toutes ces voyances sont imprécises, irrégulières et fausses. De même, on annonce du temps ensoleillé, il peut pleuvoir. Et ça, on prévoit des choses matérielles. Mais l'être humain qui prévoit, le météorologue, n'est pas prescient. Parce que s'il serait prescient, il ne se tromperait jamais. Parce qu'analysant avec son cerveau les coordonnées que lui amènent ses instruments, il saurait automatiquement se mettre en résonance avec ses données, pas avec son expérience, avec ses données, et il saurait. Mais il n'est pas relié au savoir instantané parce que le savoir instantané permettrait à ce météorologue de ne pas avoir besoin d'instruments. Autrement dit, on prend un homme nouveau, on l'enferme dans un trou noir, dans le fond d'un sous-sol, on l'emmure de briques, on met un petit micro et on lui dit quelle température il va faire demain, et il va vous le dire, il ne se trompera pas. Savoir instantané. Le prescient, si on le met dans la même condition, ne peut pas répondre. Mais le voyant dans la même condition va répondre. Le voyant va sortir sa boule de cristal, il va sortir ses mains, il va sortir la transpiration qu'il a en dessous des bras, il va brasser la poussière pour se faire stimuler. C'est-à-dire que le voyant a besoin d'une forme matérielle pour être stimulé. Et lorsque le voyant est suffisamment stimulé, il va lire dans l'astral, il va lire le passé. Et à partir de cette lecture du passé astral, mais qui n'est pas encore densifié matériellement, donc qui n'est pas présent, qui n'est pas encore passé matériellement, mais qui est déjà passé au niveau de la mémoire, il va envisager, il va avoir une vision. Et là, il va dire, il va faire ceci ou cela. 95% des fois, il se trompe. 5% des fois, il a raison. Et au nom du 5% des fois qu'il a raison, on dit, ça marche. Le prescient, dans ce trou noir, dans ce cabanon noir, ne peut pas rien faire. Alors, il aura besoin d'instruments, d'appareils, il aura besoin de technologies électroniques. Et regardez que l'humanité s'en va lentement vers des êtres humains prescients. Et on va voir plus loin dans la conférence que la prescience est une stagnation d'évolution entre la libération de la connaissance et l'accomplissement du contact avec son esprit, le savoir instantané. Comme toute marche, la prescience a un bon côté, limité, très limité, comme la foi peut être dangereuse. On va revenir un peu plus tard. L'humanité, présentement au niveau nord planétaire, se développe lentement vers cet état de prescience. Alors, lorsque nous parlons à une personne, à un être en phase d'évolution vers la prescience, et qu'on lui demande « Crois-tu à l'astrologie? » va répondre non. S'il dit oui, officiel que lui marche avec un ordinateur. Sinon, il va répondre non. Est-ce que tu crois à la radiesthésie, à la chiromancie, à la cristalloscopie, à tout ce genre de mancioscopie? Celui qui, dans notre société, est en voie d'évolution vers la prescience va répondre non. Par contre, lui aura besoin d'énormément de gadgets électroniques. Lui aura besoin de tout connaître. Il voudra avoir un senseur pour pouvoir voir dehors. Il voudra avoir 2-3 vidéos pour faire des choses. Et on a de plus en plus une science qui se dirige vers cet accomplissement matériel pour pouvoir permettre de nourrir l'espèce de délectation de préscience de l'homme moderne. Celui qui est prescient est informatisé neurologiquement. C'est un ordinateur humain. Il est prescient. Il peut avoir des émotions. Il est capable d'aimer. Sauf qu'il a la faculté d'analyser beaucoup plus rapidement que l'ordinateur, parce que le cerveau est beaucoup plus puissant qu'un ordinateur lorsqu'employé intégralement. Il sera donc capable d'analyser toutes les données qui vont lui parvenir. Mais évidemment, étant donné la limitation des sens corporels, l'être prescient devra s'entourer de contacts matériels. Il aura besoin d'un paquet de senseurs, donc de sens électroniques, pour pouvoir en savoir plus. Le météorologue aura besoin d'une panoplie de choses, de satellites, il aura besoin de différentes choses. Et là, il aura une délectation, une jouissance, juste à recevoir des données et à enligner l'avenir. Le voyant essaie de prédire l'avenir. Le prescient enligne l'avenir, c'est-à-dire que le prescient a la faculté de visualiser, mais non pas d'avoir une vision. Le prescient crée la vision. et analyse ensuite la vision. C'est-à-dire que le prescient est comme un peintre. Le prescient ramasse une donnée, il l'inscrit sur un tableau. Une autre donnée, il l'inscrit. Une autre. Il inscrit des données. Alors, il crée une vision. Il visualise. Et maintenant qu'il a visualisé, il confronte sa visualisation avec les données qu'il a. Les mêmes données qu'il a appliquées sur l'écran. Et là, il a un futur possible. À partir de ce futur possible, le prescient se sert de ce qu'il a créé comme visualisation pour pouvoir, il va s'en servir comme données supplémentaires. Il va essayer d'enligner un autre futur. Donc, il va jouer avec les données. Mais d'une façon presque spirituelle, d'une façon ésotérique. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'ordinateur. Il n'a pas besoin de marque de thé. Il n'a pas besoin de rien, d'aucun élément. Il reçoit les données. Il est comme dans une phase de concentration. D'ailleurs, le prescient est concentratif, tandis que l'homme nouveau est attentif. L'attention, c'est être concentré sur tout. La concentration, c'est être attentif sur une chose. L'homme prescient est concentratif. Comme d'ailleurs la majorité d'entre vous, vous êtes concentratif, ça donne des maux de tête, ça brûle de l'énergie vitale, ça fatigue le corps, tandis que l'homme nouveau est attentif. Le prescient a donc, va visualiser 1, 2, 3, 4 futurs possibles. Et par la suite, il va choisir lequel de ces futurs possibles est le plus acceptable. Tandis que le voyant va se mettre en état d'extase, il va attendre qu'une vision vienne à lui, et cette vision, il va la décider vraie. Il se trompe souvent. L'homme nouveau ne visualise pas. Celui qui a un contact avec le savoir instantané ne visualise pas. Il ne se pose pas de questions. S'il vient pour sortir, pour entreprendre une marche de 2-3 jours, automatiquement, il saura quoi mettre, quoi amener, parce qu'il aura automatiquement le savoir du temps, de la météorologie, pendant ces 2-3 jours. Il est bien évident que souvent, dernièrement, je parlais avec un médecin dans un petit restaurant, et le médecin me disait, savoir instantané, tu sais, veut dire, minute de temps, moi, le monde là, qui apprennent rien puis qui savent tout, là. Alors moi, on jasait, je l'estime pas parce que j'estime jamais. Du moins, quand c'est pas le temps, j'estime pas. Et puis, à la longue, le médecin et moi, on parlait de différentes formes de médecine, de nouveaux médicaments qu'on sort, et puis on s'amusait, on parlait de la médecine moderne, de la médecine de l'avenir. Jusqu'à un moment donné où le médecin, qui est une femme, me dit, « Oui, tous ces maudits médicaments-là, moi, je crois bien plus aux recettes de grand-mère. Ma mère, moi, là, elle n'avait pas besoin de rien apprendre, puis elle savait comment nous guérir. » Je dis, ta mère était une sage. Oh oui, puis elle se trompait pas. Non, elle avait le savoir instantané. Oui, elle ne connaissait pas, mais elle savait. Puis maintenant, il faut aller à l'école, il faut apprendre. Plus qu'il y a des médicaments, plus il faut aller à l'école. Mais le médecin venait de se... Quand on s'est rencontrés, il y avait une guerre d'égo. Parce que... Puis quand on a jasé, ben on s'est ajusté vibratoirement et on a fini par laisser faire la guerre d'égo. Et là, le médecin a commencé à parler avec moi et là, c'est intéressant. Et parce que je le faisais parler, il s'est instruit. Parce que l'homme s'instruit. L'homme ne peut être son seul maître que lorsqu'il est capable d'assumer sa parole comme n'étant pas cave et imbécile et lorsqu'il est capable de s'écouter parler. Là, l'homme s'instruit. Alors, ce médecin... Ben, quand je lui ai dit, ta mère, elle avait le savoir instantané pour ce genre de choses. Lorsque vous étiez malade, émotivement, la mère vivait tellement une contrainte psychologique qu'elle s'en remettait à ce qu'elle appelait Dieu. Sauf que les autres de sa famille ou les autres d'aujourd'hui, sa fille avec, elle s'en remet à Dieu, mais ça ne marche plus. Pour la simple raison qu'il y a autant de chemins possibles vers Dieu qu'on peut aboutir à n'importe quel Dieu. Et elle s'en remettait, sa mère, à un savoir instantané. Et là, elle savait quoi faire. Elle ne s'instruisait pas, elle ne lisait pas. D'ailleurs, s'il se serait instruit, elle aurait appris que ce qu'elle faisait, ça ne se faisait pas. Alors, elle aurait arrêté de le faire, pour être normale. Quand même, elle n'était pas pour être folle. Alors, elle aurait fait maintenant ce qui se faisait et elle n'aurait pas pu guérir. Elle aurait appelé le médecin. Et quelques 30-40 ans après, le médecin qui serait venu aurait dit « Maudit que c'est plate, ma mère, elle savait. » Bon. Le savoir instantané est toujours et quotidiennement expérimenté par l'homme, mais à l'insu de celui-ci, à l'insu parce qu'on l'aide, on l'empêche de voir. L'être humain est manipulé. L'être humain est tout à fait manipulé. L'être humain pense qu'il pense. Et lorsque je fais juste m'amuser en séminaire, je pose des questions à des gens et les personnes me répondent des choses. Et lorsque je leur demande « c'est ça que tu veux me répondre? », souvent ils me répondent « non, pas tout à fait ». Alors je leur dis « qui parle à ta place si c'est pas tout à fait ça que tu voulais dire, mais que tu as dit? » Pourquoi lorsque l'être humain a peut-être ce feeling, ce savoir instantané, y a-t-il quelque chose qui vient lui dire, ouais, le cave, tu sais, qui c'est qui dit que, bon, puis c'est pas bon ça, puis t'as pas appris ça, puis toi t'es pas capable, tu restes dans ton trou, là, téléphone dans le gars qui connaît ça, là. C'est fait. L'être humain est instruit à être médiocre. Et ce n'est pas vous qui vous instruisez, mais un jour vous pensez que c'est vous. Et vous vous croyez. Dernièrement, je pensais à ceci. Comment pouvons-nous arriver à juger un criminel? L'être humain est manipulé à un point tel que chaque fois que vous faites quelque chose que vous n'êtes pas conscient, et encore là, il faut faire attention à la conscience, parce qu'il y a différents niveaux de conscience. Il y a le niveau de conscience de voyance, au niveau de l'alignement des avenirs. Il y a le niveau de conscience de préscience. Il y a le niveau de conscience instantanée. Il y a aussi différents niveaux au niveau de la psychologie. Lorsque l'être humain un jour se lève, rentre dans un restaurant, dans un dépanneur par exemple, fouille dans ses poches, passe d'argent, regarde un peu partout, bon, pique une petite barre marche, une par jour c'est écrit, bon. Alors, il part avec, est-ce qu'il est coupable? Alors il se trouve que l'être humain est tellement manipulé par l'extérieur. Et quand je parle d'extérieur, je parle des plans astraux collectifs, je ne parle pas des autres. Les autres font partie de ce qui est manipulé par l'astral collectif, et les autres manipulés par l'astral viennent vous manipuler. Vous ne pouvez pas cracher sur les autres. Les autres sont manipulés par ce qui vous manipule, vous. Et lorsque le bonhomme vient, il peut vous manipuler, il peut vous faire peur, il peut vous rendre en amour, il peut vous faire fuir, il peut pas quelque chose, mais on vous a vous manipulé de façon à entrer en résonance avec le bonhomme ou la bonne femme. La femme, le bonhomme, il rentre dans le dépanneur, il marche un petit peu. Jamais il avait l'idée de piquer. Puis à un moment donné, il voit toute la panoplie de coloration. Il voit qu'il n'y a personne. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il est en train d'être enligné pour voler. Mais quand il est rentré, il ne voulait pas voler, ce n'est pas un voleur. Et si on le pince, on va faire payer qui? Si on le pince, on va poursuivre le corps physique, la personne qui n'est pas voleur, parce que pendant un laps de temps, elle a été possédée, manipulée par une énergie qui l'a baissée en vibration et qui l'a fait se gaver de ce sucre. Alors, il l'a pris parce que c'était plus important que tout le reste et elle est partie avec. Lorsqu'elle est sortie, il va peut-être se culpabiliser, l'ajusteur psychologique tout à fait en résonance avec le manipulateur astral, l'intellectualise le phénomène, une fois de temps en temps. Oui, elle ne peut pas, on ne veut pas qu'elle prenne conscience qu'elle a été charriée. Parce que si un jour vous vous rendez compte que vous vous faites manipuler, ben vous risquez de cesser, de couper le contact avec la manipulation. Et ça, on ne veut pas. On a besoin de vous parce que chaque fois que vous exprimez de l'émotion, chaque fois que vous vous faites embarquer, ben vous rayonnez quelque chose. Ça transpire. Un chien saurait ce que vous faites. C'est une odeur énergétique. Et ce que vous exprimez nourrit ces plans astraux qui, en l'échange, vous manipulent pour que vous les nourrissiez. Pourquoi l'être humain a tant de guerre? Pourquoi l'être humain souffre tant et que l'être humain ne veut pas? Parce que ce n'est pas l'être humain. L'être humain, ça ne le regarde pas. L'être humain est manipulé. Lorsque celui qui fait de la voyance essaie de voir, il est manipulé par le même manipulateur. 5 fois sur 100, on lui donne une réponse possible, plausible, pour que lui accrédite et continue à croire sa voyance. 95% des autres fois, l'astral, le plan astral planétaire, ce que l'humain appelle le ciel, et ce que le Nazaréen appelait le ciel, en différenciation avec les cieux, qui sont dans la plus basse expression, le plan supramental, là où l'être humain va pouvoir aller chercher ce savoir instantané. La manipulation d'astral, ce n'est pas un être humain. Il ne faut pas personnaliser le phénomène astral. C'est exactement comme si vous êtes dans la mer, dans l'eau. Le courant vous manipule. Ah, ben monsieur courant, s'il vous plaît, manipule-moi plus. Non, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas comme ça. Toutes les religions mettent en garde l'homme à ces formes de manipulation. Ils les ont baptisées. Que ce soit Satan, que ce soit des démons, que ce soit ce que vous voudrez. Je parle avec la terminologie de l'Église catholique, mais on a d'autres religions qui parlent des mêmes phénomènes. Être juste attentif à la manipulation. Mais ça, l'humain ne peut pas être attentif à la manipulation. Parce que l'humain est instruit par la manipulation à partir de son plus bas âge, ce qui fait que l'humain s'imagine et s'illusionne que la manipulation n'existe pas. C'est lui qui fait ça. J'ai volé. Il n'a pas volé. On t'a manipulé pour que tu voles. L'être humain est responsable de ce qu'il fait, mais l'être humain n'est pas coupable. Lorsque l'être humain prend conscience au niveau mental des phénomènes de manipulation, l'être humain découvre deux choses. Si l'être humain a la foi, l'être humain va découvrir qu'il se fait charrier. Je parle de la vraie foi telle qu'on l'a vue la semaine dernière, pas de la foi telle qu'on l'enseigne. Et si l'être humain est prescient, il va aussi découvrir la manipulation et il va découvrir à quel point lui peut arriver à manipuler les autres. Celui qui a la foi veut se mettre au service du Père, et pas le Père dans le ciel, le Père dans les cieux. Et celui qui a la préscience devient un peu comme ce qu'on connaît sous la terminologie Lucifer. Devient un être humain qui enligne des futurs possibles et qu'il croit pouvoir déterminer ce que Dieu ou ce que les énergies constituantes, intentionnelles, créatrices ou divines, veulent. Alors celui qui a que de la préscience devient un être humain qui va vouloir manipuler l'extérieur pour pouvoir obliger, créer un cadre d'évolution bénéfique pour tout le monde, même si tout le monde n'est pas prêt à le vivre. Bref, aux dépens de tout le monde. Dans l'Antiquité, on parle de celui qui a un cœur. Celui qui a un cœur, c'est celui qui a de l'amour, celui qui aime les autres. Et celui qui aime les autres finit par les haïr, il est jaloux, il a peur de perdre sa femme, il tue son chum pour ça, il regrette d'avoir tué son chum, il se peint après, alors il a juste de l'amour, du cœur. Celui qui a de l'intellectuance, un début d'intellect, le mental naissant, alors lui, il devient guerrier. Lui avec, il veut diriger. Lui, il devient empereur. Lui, il devient tsar. Lui, il devient pharaon. Lui, il devient dirigeant. Et à un moment donné, il y a un bonhomme qui a demandé à ses énergies divines, « Donnez-moi un cœur intelligent. » Donc, comprenons un cœur intellectuel. L'amalgame des deux. De façon à diriger avec amour, de façon à aimer avec intelligence. Celui qui a de la foi est dans un côté dangereux d'évolution. Celui qui a le contact, celui qui a la préscience, est dans un autre côté dangereux de l'évolution. Celui qui a la foi et la préscience a la même connotation que celui qui a un cœur intelligent. Lui, il va bien. Regardons ceci. La foi, c'est la délectation de l'ego lorsque celui-ci expérimente le contact avec un plan supramental, avec un plan intelligent, avec un plan instantané. C'est la foi. La préscience, c'est la délectation de l'intellect lorsque celle-ci entre en contact avec le même plan, le plan supramental, le plan de l'esprit. Les deux formes sont deux délectations. Les deux sont antagonistes. Les deux vécus en même temps vont s'harmoniser de façon à ce que l'être humain reste équilibré. Lorsque la foi chez l'homme, la foi doit créer un canal qui doit permettre à l'ego de pouvoir juste se délecter, être instruit par le contact. L'ego doit apprendre un jour, c'est-à-dire que l'être humain psychologique, l'homme illusoire, doit apprendre que l'esprit, c'est autre chose que l'ego et que l'ego n'est pas l'esprit. Mais lorsque ce canal de foi est nourri par le contact, le canal de la délectation entre l'intellect et le contact supramental, si ça s'effondre sur l'intellect, ça crée le prescient qui devient un dirigeant, qui devient un homme ou une femme, qui ne voudra plus du savoir instantané. Elle ne voudra, cette personne, se fier que sur la matière, que sur la science électronique, la science qui est capable de plagier la cérébralité de l'homme. La science qui apparemment, pour l'instant, dépasse tout à fait le potentiel de l'homme. Et on a une société présentement qui est construite par des êtres prescients. On ne s'en rend pas compte, l'humain normal ne le sait pas. L'humain normal est encore au niveau de la foi. L'humain normal, parce que la préscience vient normalement en même temps que la vraie foi, mais l'humain normal est encore au niveau de la foi effondrée sur elle-même. L'humain normal est encore au stade de la croyance. Donc, celui qui croit veut prévoir. Je parle de la masse. Mais on rentre les petits ordinateurs partout. Mais on rentre les interfaces partout. On rentre des périphériques dans tout. On rend les automobiles tout à fait électronisés. On fait en sorte qu'une automobile puisse connaître le chemin. On fait en sorte qu'une automobile puisse freiner si elle s'approche d'un obstacle, si l'humain est trop cave pour freiner. On fait en sorte que l'automobile est capable d'éteindre ses lumières tout seul ou désallumer lorsqu'il fait noir. On fait en sorte que vous ne pouvez plus oublier votre clé après l'ignition parce que le char vous le tire en plein visage. On fait en sorte qu'il y a un paquet de choses pour être sûr que même si vous restez cave, que ça donne l'impression que la société continue d'évoluer. Ça, c'est une affaire importante à comprendre. L'être prescient, et présentement, il y a des hommes prescients qui dirigent cette société. La société capitaliste, industrialiste ou même communiste. Capitaliste d'État. Cette société planétaire, elle est présentement entre les mains, de plus en plus entre les mains d'êtres prescients, qui sont donc capables d'envisager des futurs possibles, et parce qu'ils ont compris la mécanique de la manipulation, de manipuler les peuples pour que ces futurs possibles aboutissent. L'homme, l'humain normal, va dire, ben voyons donc, si c'est pas de prévu, si ça va à l'encontre des plans de Dieu. Oh, moi, je peux juste le faire chier un petit peu en disant, oui, ben Lucifer est aussi allé à l'encontre des plans de Dieu, mais il faut croire à celui qui a réussi. Hein? L'homme a eu une chute. Hein? Bon. Et si on ne veut pas parler de ce genre de choses, qu'on ne croit pas à Lucifer et à la chute de l'homme, pas de problème. Mais alors, si Dieu permet la préscience chez l'homme, c'est que Dieu permet donc à l'homme préscient de diriger. Comme il permet aussi à celui qui est en contact avec le savoir instantané de s'opposer. Si Dieu permet les armes, il permet donc la guerre. Parce que s'il ne la permet pas, bien on la fait. Alors, hein, donc on contourne les plans de Dieu. Alors, si on est capable de le faire là, les hommes prescients sont capables aussi. La société, présentement, elle est orchestrée de plus en plus vers un contexte où apparemment la matière va continuer à évoluer, laissant l'homme loin derrière. Et je ne parle pas des robots qui vont diriger la planète Terre. C'est pas ça l'idée. Le choc du futur, ce n'est pas au niveau de la robotique. C'est au niveau de l'homme, de la préscience, de l'informatisation du cerveau humain. Par l'évolution normale, d'un contact avec un savoir instantané, ou qui va opérer une mutation neurologique, mais l'être humain qui va être muté, ou qui va subir cette mutation, va rester stagnant au niveau de la préscience, parce que l'énergie mentale va s'effondrer sur elle-même. Le corps physique n'est pas suffisamment solide pour supporter le poids du contact avec l'énergie supramentale, ce qui fait que cette énergie s'écrase sur elle-même. Le mental veut grimper, et lorsqu'il a trop de contact, il s'effondre. S'effondrant, il coupe le lien, mais ce qui est fait, le cerveau est maintenant muté, le cerveau a une capacité supérieure à l'homme normal, l'être humain est prescient, il ne veut plus les ordinateurs, il veut les sens des ordinateurs, il veut que l'ordinateur lui dise telle température dehors. Lui, il va analyser. Il veut que l'ordinateur lui dise tel mouvement populaire en Afrique. Lui, il va analyser. Il veut que l'ordinateur lui dise telle découverte de mine, tel potentiel. Lui, il va analyser. Il veut que l'ordinateur lui dise que telle compagnie de pétrole a telle chose, telle chose, telle chose. Lui, il va analyser. Alors, lui, il va décider qu'il y a une pénurie de pétrole. Alors, lui, va décider qu'on doit faire une guerre, qu'on doit supporter Pretoria, par exemple. Alors, lui, va décider des choses, mais qui échappent totalement à l'humain normal. Et ça, notre société est de plus en plus prescience. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants de plus en plus prescients. Il y a des choses que je ne peux pas dire pour l'instant. Mais il faut comprendre que chaque fois que vous allez avoir une jouissance ou que vous allez percevoir que les humains ont une jouissance de la technologie électronique, pas électrique, c'est bon, la technologie électronique. C'est bon lorsqu'on a un enfant de 2 ans qui s'en va se promener dans la forêt, il y a un petit gadget après son linge qui fait que s'il s'éloigne trop, ça se met à sonner, ça avertit les parents. C'est pas pire. C'est pas pire. C'est mieux qu'un fusil électronique avec un télescope qui vise même les animaux qui trouvent même à travers les arbres, qui tire une balle, qui se faufile puis qui le tue. C'est la même technologie, appliquée à deux choses. On a une montre présentement qui ne se vend pas sur le marché, mais qui permet à celui qui se fait frapper sur un champ de bataille de pouvoir s'écraser en paix au sol. Et lorsque les ennemis sont partis, qui ont abandonné les pseudo-morts ou les blessés graves sur le terrain, alors l'armée américaine émet des ondes. Et là, les petites montres se mettent en marche et vont émettre la position du soldat, vont émettre sa pression sanguine, son pouls cardiaque et plusieurs autres petites choses. Alors, ce qui fait que les médecins de l'armée américaine savent lesquels doivent être sauvés en premier, connaissent leur état de santé, leurs signes vitaux, connaissent leur position et vont les chercher. Mais ça, vous ne verrez pas ça pour vos enfants. Ils ne sont pas dans l'armée. Bon. Alors, c'est pas une raison de vous alarmer. L'évolution de la prescience, c'est comme toute forme d'évolution. Ça se fait malgré vous. Vous prenez conscience que vous avez changé. Vous ne vous changez pas. Vous découvrez que ça a marché. Mais vous ne savez pas, en fin de compte, si c'est ce que vous avez fait ou simplement l'évolution. Mais vous changez. Veux pas. La préscience, à un moment donné, elle vient. Premier palier de préscience. Je ne dis pas que la préscience est mauvaise. Je dis que la préscience, il y a un danger. Comme la foi, il y a un danger. Comme la croyance, il y a un danger. À un niveau, à un stade de l'évolution expérientielle de l'humain, parfait. À un autre niveau, pas bon. Un temps yavique, un temps satanique. C'est toujours comme ça que ça marche. C'est normal. La première année d'école, elle vous aide. Elle vous montre à écrire un peu. Mais si la première année veut vous conserver toute la vie, il y a un fichu problème. Ceux qui vont passer à la deuxième vont apprendre plus que vous. Et ceux qui vont passer à la troisième, à la quatrième, jusqu'au secondaire, jusqu'au cégep, jusqu'à l'université, apprennent plus que ceux qui restent années en première année. C'est ce que fait la majorité des choses. Alors, la préscience, c'est bon. Le premier palier de préscience, l'organisation. Parce que l'être humain commence à s'organiser, l'être humain commence à développer cette faculté mentale de la préscience. Il n'est pas préscient, il commence à goûter, commence à envisager les choses. C'est pas suffisant. C'est le début. Lorsque l'être humain est capable, du moment que l'être humain a besoin de donner, à l'instant où l'être humain a besoin de donner, d'informations, lorsque l'être humain veut ces informations, lorsque l'être humain met son énergie créatrice à créer des senseurs pour aller chercher de l'information, vous assistez à la naissance d'un être précieux. Ce n'est pas un homme nouveau, c'est un homme transitif, c'est un homme précieux. Ou une femme préciente. La préscience, ça va. Si elle est accotée par une foi telle qu'on l'a vue la semaine dernière, une foi authentique, une foi qui n'est pas une foi dans les croyances, une foi qui est une foi dans rien, c'est la foi. Alors l'être préscient saura toujours que sa préscience est une phase temporaire, transitoire, qui ne va durer qu'un petit iota de temps dans sa vie. Et que suite à cette préscience, c'est le dernier piège. Tu vis ta préscience, mais tu ne t'y attaches pas. Alors vient le savoir instantané. Alors automatiquement, lorsqu'il y a le savoir instantané, le bonhomme, il rentre dans son auto, et il peut conduire. Il peut freiner à mort parce qu'un écureuil traverse 2 secondes après que son auto soit immobilisé. Il n'a pas besoin de radar, de détecteur, comme on voit un peu à la télévision. Là, il y a une espèce d'automobile qui s'amuse à narguer son chauffeur. Et puis, tout le monde est jaloux, tout le monde aimerait avoir une auto comme ça. Une auto qui vient quand vous sifflez. Je ne sais pas si elle court les bonnes fontaines, mais enfin. L'homme nouveau n'a pas besoin de ça. Et regardez, il faut faire attention. Parce que lorsque le mental de l'homme reste assujetti par l'intellect à ses désirs émotifs, donc à sa jouissance de l'évolution, automatiquement, l'humain ne veut pas évoluer dans le bon chemin. L'humain veut évoluer dans la jouissance de l'évolution, dans la jouissance de la création, parce que l'être humain se veut un créateur. En réalité, l'être humain est un transformateur, transforme la matière, c'est un alchimiseur. Il métamorphose les choses. Il ne crée pas à partir de rien, il transforme, il adapte. Lorsque l'être humain n'est plus capable de se promener dans une forêt sans appareil, son évolution est faite. Lorsque l'être humain n'est plus capable de dormir en paix sans avoir un système d'alarme, sans avoir un système vidéo pour voir ce qu'il y a à la porte, sans avoir un détecteur de mouvement, sans voir, etc., il devient prescient. Mais là, dans la prescience stagnante, tout vient de s'effondrer sur lui. Alors, ce sera un homme à gadget. Mais à gadget du plus haut point, dans tous les sens du mot. Ah, vous allez dire, vous n'êtes pas encore comme ça. Non, non, non. D'accord. Ça va venir. Pourquoi ça peut venir? Pour la simple raison que c'est les hommes prescients et les femmes prescientes qui dirigent cette société et qui vont donc orchestrer les inventions et qui vont donc les mettre sur le marché. Et vous allez simplement acheter sans savoir ce que vous faites. Alors, lentement, vous devenez dépendant de plus en plus de certaines choses. Il fut un temps où l'être humain se réveillait la nuit lorsqu'il sentait de l'odeur de fumée. Aujourd'hui, s'il n'y a pas 3 ou 4 détecteurs de fumée qui sonnent assez fort, il ne se réveillera pas pantoute. Ça, c'est les débuts de la société prescience. C'est très subtil, très, on ne voit pas. C'est juste le début. Banal. Celui qui a un problème olfactif, celui qui a un problème de conscience, il y a différentes choses, d'accord, ils font un détecteur de fumée, oui, ça va de soi. Mais est-ce que tous les humains sont obligés d'être instruits à dormir et à ne même plus être réveillés par leurs propres odeurs, par l'instinct de survie? Alors là, maintenant, il faut remplacer par un appareil électrique. C'est là le problème. Parce que là, l'humain, lentement, la société devient impressionnante. Pas l'individu pour l'instant, mais il vit dans un cadre créé par les hommes prescients. Alors, lentement, l'individu va rester aberré au niveau de ses sens. C'est exactement comme si l'individu avait besoin de prendre un appareil pour lui dire si la nourriture qu'il a est comestible ou non. Parfait, il peut la manger. Mais un chien est capable de le savoir, un chat est capable de le savoir. Et la majorité d'entre vous, présentement, vous pouvez le savoir. Mais il y a un temps où vous ne pouvez plus le savoir. On interne encore des gens atteints de botulisme. Ils ont ouvert une boîte de conserve qui était suffisamment ronde pour jouer aux quilles. Et puis, ils ont pensé qu'il n'y avait pas de gaz dedans. Quand ils l'ont ouvert, ça a fait pshhh, elle a glissé sur le comptoir. Là, ils l'ont ramené. Là, ils ont réussi à ôter le couvercle. Et puis, ils ont tout mis ça dans un plat. C'est drôle, hein? C'est des crevettes vertes. Nouvelle sorte. Je ne sais pas dans quelle usine ils fabriquent celle-là. On les met dans son assiette, elle les apprête convenablement, ça goûte, on les épice un peu plus, et puis après ça, elle les mange. C'était bon. Crème, c'était un repas à 25$, c'était bon. Et puis après ça, l'hôpital, botulisme. On en traite encore 10 ou 12 cas par année. Pourquoi? Parce que, non, c'est écrit-tu que c'est bon? Je regarde, ouais, mais gars, il n'est pas passé de date. Pas passé de date, il est bon. Même si le lait, il faut qu'on le coupe. Il est pas pour ça, Dad. Il est bon. Ça a l'air bélé, mais ça commence toujours d'une façon sournoise et c'est pas la collectivité qui le dirige. La collectivité est bien trop occupée à se plaindre pour avoir le temps de se rendre compte de ce qui lui arrive. Elle veut vivre. La préscience nécessite. La préscience est la création d'un œuvre d'un ordinateur humain. L'ordinateur mécanique, électronique, ne surplantera jamais l'homme. Ça ne se fait pas, ça ne se peut pas. Parce qu'avant que l'ordinateur arrive à haïr, à aimer, à désirer, à jalouser, à penser, à créer, à vouloir et à souffrir, on n'y arrivera pas. Et ça, pour une simple raison, c'est que tous ces mécanismes que j'ai dénumérés sont d'une mécanicité énergétique du plan de l'astral, et il n'y a que un être humain relié à un corps vital suffisamment avancé, planté dans un corps physique orchestré, qui peut vivre ce genre d'émotion, de désir, de contrainte. Tandis que l'ordinateur a un corps physique mécanique qui n'est pas évolué comme le corps de l'homme a besoin de se nourrir et il grandit. L'ordinateur ne grandit pas, même son plug. Bon. Deuxièmement, l'énergie vitale de l'ordinateur est de l'électricité, proche de l'énergie vitale de l'homme, mais ça n'arrive même pas à la hauteur de l'énergie vitale d'une plante. Et l'énergie vitale, l'électricité de l'ordinateur ne le met pas du tout en contact avec les plans astralisés. L'ordinateur n'a pas d'âme. Or, même si l'ordinateur est logique, même si l'ordinateur a une mémoire incommensurable, il restera toujours béat d'admiration en face de son créateur, l'homme. On a vu des films, l'ordinateur se vengeait, il y avait un court-circuit. Non, j'ai travaillé sur des ordinateurs, moi aussi, j'ai eu des courts-circuits. Ça pue, ça fait de la boucane, ça pète, ça marche plus. Mais jamais ils m'ont haï. Lorsque l'être humain devient prescient, il devient informatisé au niveau neurologique. Cela veut dire qu'il a lui aussi une mémoire incommensurable, mais ce n'est pas ça qui fait la préscience. C'est qu'il est capable de placer dans l'ordre presque parfait, presque similaire au plan supramental, donc au savoir instantané, les données qu'il a. Mais pour être préscient convenablement, il sait qu'il a besoin de beaucoup de données. Et c'est là. Comment reconnaître une société qui se préscientise? On a besoin de systèmes pour ramasser de l'information, des données. Qui analyse? L'homme. Il y a un prescient. Et chaque fois qu'on va vouloir transposer, améliorer ce qui amène la donnée. Le détecteur de fumée est un améliorateur de données. La donnée, c'est la fumée. La peur se met presque pas, mais le bruit que ça fait, ça l'a amélioré la donnée. Ça l'a grossi le stimuli. Transposer fumée en électricité, après ça en ondes audio. Mais ça améliore la donnée. Chaque fois qu'on aura des systèmes pour améliorer les données, dans un cadre où normalement on devrait se développer nous autres, humainement, plutôt que de se fier aux appareils, sauf dans certains cas, ça va de soi, c'est parce que là, il y a des êtres prescients qui sont en train de manipuler les masses de façon à créer des avenirs possibles et de façon à coordonner les masses pour que ces avenirs possibles aboutissent. L'énergie supramentale descend, frappe tous les humains. Lorsque la mutation neurologique est commencée, les humains, quels que soient leurs âges, vont avoir des pertes de mémoire. Pertes de mémoire, même oublier leur nom. Mais de là, aller jusqu'aux pertes de mémoire, numéro de téléphone, où j'ai, voyons. Bon, c'est normal parce que votre cerveau est constitué de neurones. Les neurones s'interrelient par des axones, des petits fils électriques, disons. Et lorsqu'on reprogramme, c'est que les axones sont coupés. Ils ne fonctionnent plus. On crée des périphériques pour connecter d'autres neurones. Pendant que cette chose se fait, alors la mémoire, ça ne vient pas parce que le contact est coupé. Ça va revenir. À un moment donné, ça revient. Contact, c'est refait. Ça orchestre le cerveau pour que votre cerveau soit de plus en plus efficace. Pour que, et vous allez constater cela prochainement, il y a des jeunes qui vont se saouler la gueule, qui vont avoir de la misère à se tenir debout, mais qui ne divagueront pas dans leurs pensées. Ils vont parler comme des gauchos, mais ils vont parler d'une façon logique. Tandis que le gars chaud, lui, il divague. Pourquoi? Parce que la conductibilité neuronique ne sera plus biochimique comme elle est aujourd'hui. Elle sera de plus en plus électrochimique et par la suite électrique. Votre cerveau a subi une mutation. Il y a beaucoup d'autres phénomènes avec qui amènent, il y a des problèmes au niveau coronarien, style infarctus, mais qui durent le temps d'une seconde, qui ne reviennent plus ou qui reviennent 3 ou 4 fois sans plus jamais revenir, indétectables sur un électrocardiogramme. Il y a différentes choses, différents phénomènes qui s'opèrent, qui se passent dans le corps physique lorsque l'énergie supramentale frappe le corps physique. L'humain n'en est pas conscient, mais ça le mute. Cette mutation neurologique opère une mutation de l'expression endocrinienne qui opère automatiquement une mutation psychologique. Alors, tout d'un coup, vous êtes une personne qui est plus gay, vous savez pas pourquoi, ou plus down, ou qui ne souffre plus autant, ou qui tout d'un coup ne s'ennuie plus, ou que mutation psychologique parce que mutation physique. Mais la mutation supramentale, lorsque le cerveau est presque prêt à recevoir un contact supramental plus puissant, à être ajusté par un ajusteur de pensée, bien coordonné. Lorsque votre cérébralité est presque prête, lorsque vous ne risquez plus de vous prendre au sérieux ou de virer fou, de devenir flyé, de péter, de capoter, lorsque le cerveau est presque prêt, mais pas prêt, c'est là que se développe la préscience. Le cerveau est suffisamment solide maintenant pour pouvoir presque se connecter avec son esprit suffisamment longtemps, alors vous allez vous fusionner avec votre esprit. Vous allez changer de tout au tout. C'est ce que j'appelle devenir un homme nouveau. C'est-à-dire que l'homme ancien crée l'homme nouveau, mais à un moment donné, il faudra que l'homme nouveau qui naît chez vous cesse de se faire écraser par l'homme ancien qui l'a mis au monde. Et lorsque l'homme nouveau est presque créé, le cerveau est prêt maintenant à accomplir, à recevoir, il est prêt à supporter une conscience beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vaste. Et c'est là que la préscience commence à naître. Alors, il prend une donnée, une autre donnée, une autre donnée, il n'est pas plein. Un autre, pas de problème, il a la tête claire. Un autre, et puis là, il peut les projeter, tout dans sa tête. Il y a beaucoup de personnes, à un moment donné, qui regardent simplement leur livre de banque, puis là, ouais, c'est compliqué pas mal. L'intérêt, puis c'est ici, puis c'est ça. C'est les données, 3, 4, 5 données court-circuitent le cerveau. Une autre personne, ça va être différent. Elle regarde une carte, j'ai une carte routière, et puis là, bon, alors, trop de données, le cerveau ne peut plus le prendre. Et là, on peut aller par palier. Il y en a que ça va être simplement faire le rapport d'impôt, à un moment donné, il se gratte la tête. Trop de données. L'homme prescient. Non, amenez-en des données. Pas de problème, amenez-en des données. Puis là, il voit quelque chose. Et il se rend compte que le futur qu'il a envisagé n'est pas tout à fait manqué de données. C'est là que sa recherche de données. Et il sait très bien que l'électronique peut amener des données absolument parfaites. Alors, c'est là que l'homme prescient commence à fonctionner. Un petit peu plus coordonné, le cerveau perd la préscience, se branche au savoir. Alors, l'être humain parle, ne pense plus, il parle. C'est le savoir instantané. Tu dois avoir des questions. Certainement, en ce qui concerne la mutation du cerveau, je voudrais savoir si, à ton avis, elle est provoquée par une hyperstimulation, par exemple, de l'audiovisuel, de la télévision. On sait qu'un enfant de 15 ans aujourd'hui, depuis sa naissance, a vu entre 10 000 et 15 000 heures de télévision, donc d'information, de stimulation de son cerveau. Est-ce que ça viendrait de là, cette mutation-là, ou est-ce que tu le rapproches plutôt à des plans hyperphysiques ou autre chose? Bon, la mutation ne vient pas de la télévision. La mutation visuelle, peut-être, qui va forcer l'enfant à porter des lunettes à un moment donné. Mais ce qui arrive simplement, c'est que plus l'enfant observe des phénomènes de télévision, plus il découvre de l'information de l'univers dans lequel il est. Ça, il les emmagasine au niveau de son astral, donc au niveau de sa mémoire psychologique, ce qui fait qu'automatiquement, ça va nourrir l'ego. Donc, il désirera mauditement plus de choses qu'un enfant qui n'a pas de télévision. Et par le fait qu'il désire et qu'il veut, il va vivre les émissions, il va regarder des émissions où on tue, des émissions de détectives. Alors, lentement, il embarque, il essaie de prévoir ce qui va se passer. Alors, automatiquement, Le biais de la télévision, elle a ça de bon sur l'évolution, c'est qu'elle permet à l'enfant de développer son corps mental drôlement plus rapidement que les enfants normaux. Le corps mental étant développé, le corps mental, lui, énergétiquement, aura besoin d'un support suffisant. Lui va opérer une mutation neurologique pour créer l'intellect. La télévision le fait. Évidemment, ce n'est pas parce que l'onde visuelle, c'est pas l'onde visuelle qui mute le système neuronique. Il y a quand même une question énergétique, c'est-à-dire que si l'enfant est fou et qu'il regarde la télévision tout le temps, ben, il n'y a pas de mutation. Parce qu'il ne désire rien, il n'y a pas de contact. Son astral n'est pas suffisamment évolué, donc il n'y a pas de plan mental, donc il ne désire rien. Plus l'enfant est brillant, plus tu le places devant des stimulations, plus tu le forces à avoir une conscience du monde grandiose. Un enfant de 6 ans, tu lui demandes c'est quoi un zèbre, il sait c'est quoi un zèbre. Il n'a jamais vu de zèbre. Il englobe l'Australie, il englobe la planète, il sait, il connaît des choses. Et ça force automatiquement son ego à vouloir se centraliser quelque part. Donc, automatiquement, il s'en remet à son plan mental, son intellect. Et l'intellect, travaillant beaucoup plus, automatiquement orchestre le plan mental. Et ça peut opérer une mutation de programmation juste du cortex, du néocortex, donc du cortex associatif cérébral. Et là, l'enfant, si c'est suffisamment bien dirigé, devient un être suffisamment intellectuel. Parce que là, il va de 0 à 14 ans. C'est là que la programmation va s'achever. Donc, l'enfant va automatiquement, inconsciemment, ça va de soi, son énergie intellectuelle, son mental naissant, va obliger la programmation qui n'est pas faite chez l'enfant à s'orchestrer de façon à supporter tout ce qu'il perçoit pour pouvoir le vivre. Bon. Et ce même enfant qui aura vu à peu près 10 000 heures de télévision, il aura vu à peu près 20 000 meurtres. Qu'est-ce que ça va créer en lui, ça? Ben, il va s'acheter un détecteur de meurtriers. Le fait de voir des meurtres, ce n'est pas dangereux, c'est pas grave, c'est bon. Le fait d'en voir 20 000, c'est peut-être moins bon. Mais c'est bien évident que l'enfant ne doit pas sortir de chez lui, s'en aller, et puis être convaincu que tous les humains qu'il va rencontrer, c'est des humains qui vont donner des bonbons. Il y a une réalité sur la planète Terre, c'est que le meurtre existe, le viol existe, l'enlèvement existe, le plaisir existe, et toutes ces choses-là. Alors, c'est donc tout à fait normal que l'enfant, et ça serait, d'ailleurs, là, c'est fait d'une façon très, très laissée, ça va de soi, laissée au plan astro, disons, laissée au hasard, c'est pas mal la même chose, tant qu'elle laissait à l'intelligence. Et si on orchestrait convenablement, ben, c'est évident que si l'enfant vit dans un temps de guerre, ben, faut qu'on lui montre de la guerre. Est-ce qu'il faut qu'on lui montre nécessairement que l'ennemi, c'est cette affaire-là? Ah, ça, c'est autre chose. Mais il faut qu'il sache que lorsqu'il sort, faut que s'il entend sauter des bombes un peu partout, ben, qu'il se mette un casque de métal, sa caboche, une casserole, qu'il se couche à terre, faut qu'il apprenne des choses. Parce que souvent, on dit qu'on devrait montrer aux enfants le bon côté du monde pour qu'il se fasse tuer le moindrement qu'il sort dehors. Ou bien non, que si un jour il se fait accrocher par un adulte, il va être traumatisé le restant de ses jours. Pourquoi? Parce que ça ne rentre pas dans le cadre de son ego. C'est qu'il ne peut pas supporter, il ne peut pas l'assumer, il ne comprend plus en tout. Alors l'enfant, tu le tues bien raide au niveau psychologique. J'ai travaillé avec un enfant, moi, qui un jour revenait d'une commission, et il y a un adulte qui l'a approché, qui lui a demandé « Donne-moi ton change ». L'enfant n'en avait pas, alors l'adulte l'a arrosé de pétrole, d'essence, il a mis le feu près. Enfant de 9 ans. Alors moi, j'ai travaillé 3 ans avec lui à Sainte-Justine, et cet enfant-là, bon, alors, il devait passer au moins un an et demi en greffe de peau, et par la suite, plusieurs années jusqu'à presque l'état d'adulte, juste à revivre psychologiquement, c'est-à-dire à revouloir parler, à faire autrement que de regarder le plafond, psychologiquement, il était fini. Parce que jamais, mais jamais, jamais, jamais, jamais dans sa tête, et ça, à l'époque, moi, j'avais 18 ans, donc il y avait peut-être pas 20 000 meurtres par année à la télévision, mais enfin, il en voyait moins, il en voyait peut-être pas, à 9 ans. Et ce qui s'est passé, qui fait partie de la réalité, ben pour lui, ça ne pouvait pas être copié. Ça l'a carrément fait sauter, il n'y avait rien à faire. Fini. Physiquement, il va revenir. L'incendiaire, après 3 ans, il s'en tire. Lui, après 10 ans, psychologiquement, il peut être carrément fini le restant de ses jours. Une overdose d'informations comme ça, de meurtres, est-ce que ça peut pas amener à un comportement suicidaire, avec le goût d'en finir avec la vie, ou bien une insensibilité totale? Chez l'enfant normal, non. Chez l'enfant normal, il n'y a pas de danger qu'il se suicide en voyant des meurtres, il va rire. Il ne deviendra pas nécessairement un criminel. La manipulation collective astrale peut l'amener à tuer à un moment donné, par passion, par ceci, par cela, mais il n'y a pas de danger de programmation. Parce qu'on aurait des maudits problèmes aujourd'hui si réellement les meurtres que l'on voit programmeraient l'humain. Alors évidemment, il y a des manipulations, ça crée des mémoires, ça crée des espèces de pathologies, disons, de frénie au niveau cérébral, mais ce n'est pas grave. C'est tellement ectopique, tellement peu nombreux. Par contre, l'enfant transitif, disons, celui qui commence à raisonner, lorsqu'il voit ce genre de choses, lui, vivre, ça ne le dérange pas, mourir, ça ne le dérange pas, mais lorsqu'il voit le monde dans la merde tel qu'il est là, ça ne lui plaît pas de vivre là-dedans. Lui, il peut se suicider. Bon, maintenant, ce qui va arriver, autre chose, c'est que, quelle que soit l'information, pas des meurtres, juste des informations de monde qui vivent heureux. Il n'est pas fou non plus, l'enfant transitif, fait qu'il regarde sa famille, il regarde son père, il regarde sa mère, il regarde ce qu'il y a à la télévision, puis il se suicide pareil. Pourtant, c'est juste du beau petit monde, il va se suicider quand même. Alors, faut lui montrer quoi? Faut l'instruire, faut l'éduquer, faut pas l'élever. Faut qu'il comprenne l'écologie, faut qu'il comprenne l'évolution améliorative de l'humain, faut qu'il comprenne qu'il a un rôle à jouer dans l'amélioration, donc que le monde n'est pas parfait, mais que lui doit l'améliorer, parce que sinon, c'est évident qu'il se tirera pas une balle dans la tête, il va trouver ça trop archaïque, il va se tirer un coup de laser. Quelle nuance ferais-tu entre les diverses sources d'information de l'être humain, tel l'instinct, par exemple, l'intuition, le rêve et ce que tu appelles le Saint-Esprit, bon, dans ces différentes formes de contact? C'est quoi les nuances? L'instinct, le rêve, l'intuition, le Saint-Esprit. Bon, premièrement, l'instinct, c'est la mémoire d'ordre vital qui est transmise génétiquement d'un corps physique à un corps physique. Donc, l'instinct, c'est une forme, l'instinct étant vital, il est intimement relié au savoir instantané de par sa nature vibratoire. L'instinct, c'est de l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est de l'énergie supramentale, le savoir instantané. Quand je fais référence au Saint-Esprit, c'est pour qu'on voit un peu de quelle nature on parlait dans le passé. Mais moi, je préfère le terme savoir instantané. Alors donc, l'énergie vitale est une énergie vibratoire qui est de même constitution que l'énergie supramentale au plan des cieux, donc de l'énergie de l'intelligence active, sauf qu'elle a été terrestrifiée. Alors, n'importe quel corps biologique qui vit, donc qui a une évolution biologique qui vit, une roche ne vit pas dans le sens où je veux l'amener, a donc un instinct. Et cet instinct, c'est un savoir instantané. L'enfant sait qu'il doit téter, il l'a pas appris, il n'a pas besoin de l'apprendre, c'est fait. L'animal sait des choses, l'animal va se promener, les petits vont retrouver leur mère, c'est de l'instinct. La mère, elle va bouffer le petit d'un autre, mais les siens, lorsqu'elle les accouche, elle les lèche, elle les aime, elle ne le sait pas, mais elle se laisse faire. Bon, ça, c'est de l'instinct. Le savoir instantané, c'est la même correspondance divine. Elle n'a pas été restrifiée, donc lorsque l'être humain a maintenant contact avec, non pas l'instinct archétypal qu'on lui donne à sa naissance, mais l'instinct, donc l'intelligence instantanée qui l'attend depuis toujours, il a le savoir instantané comme le bébé qui sait sans jamais avoir appris. Sauf que là, il sait tout ce qu'il a besoin de savoir, comme le bébé aussi. L'intuition, c'est une mécanique. L'intuition, c'est la dégustation égoïque, astralisée, de n'importe quel contact d'information. Qu'elle soit supramentale, lorsqu'elle est dégustée par l'ego, c'est de l'intuition. Si elle est astrale, donc qu'elle vienne des mémoires planétaires, des annales akashiques ou de n'importe quelle autre forme de cette conscience cosmique, il s'en délecte encore. De là peut naître la voyance, peut naître aussi le feeling, peut naître différentes, disons, expressions de la conscience égoïque intuitive. On peut dire qu'il y a deux formes d'intuition, ou c'est-à-dire qu'il y a une intuition qui va être peut-être un peu plus, disons, astralisée, une intuition qui amène l'être humain à avoir peur, des intuitions de malheur, on a une autre forme d'intuition, l'intuition de, disons, de bonheur. Chez l'être humain, il y a deux mécanismes de relation avec l'extérieur au niveau des données. Premièrement, il y a une mécanicité qui va être beaucoup plus logique, cartésienne, qui, elle, va analyser les données physiques perçues par l'extérieur, et une autre partie de lui qui va être intuitive, qui va analyser les données qui ne viennent pas de son plan physique, mais qui viennent des autres mondes. Le plan du monde des morts, le plan des mémoires, le plan traditionnel, le plan des ancêtres, les plans divins, les plans spirituels, les plans moraux, les plans philosophiques, les plans traditionnels. Alors, l'être humain a donc deux hémisphères qui lui permettent d'avoir une évolution, disons, cartésienne logique, l'étude des données extérieures, Alors, on a les scientifiques et l'autre côté plus intuitif, les religieux, qui essaient d'analyser les contacts hors les sens. Une grande question pour commencer. L'homme est manipulé, mais il peut aussi manipuler. En est-il conscient? Si oui, pourquoi certains manipulent-ils de façon à empêcher l'homme d'évoluer? Parce qu'il est manipulé? Si oui, par qui ou quoi? Justement, la question que j'avais tout à l'heure, lorsque tu parlais de la personne qui piquait, il y avait un exemple qui était flagrant, celui d'un homme politique qui avait piqué une veste chez Eaton. Bon. Ah oui, mais il sort au Mozambique? Non, ici au Québec. Ici, certain. Oh. Ouais, c'est incroyable. Ça, comment est-ce qu'une personne peut remettre donc en cause toute sa condition Ouais, c'est un très bon exemple. Politique, économique, sociale, etc., pour un geste aussi inconsidéré. Par exemple, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un phénomène comme celui-ci? C'est exactement ça. C'est une preuve absolument parfaite de la manipulation. Le bonhomme n'est pas voleur. Je l'ai d'ailleurs même connu. J'ai déjà même été chez lui. Et puis, non, c'est un bonhomme même assez formidable. Et puis, à un moment donné, il rentre dans un magasin, pique un veston. Et il fallait une augmentation de salaire. Non, je ne penserais pas. Pourquoi? Bon, ben c'est la question qui doit encore se poser. C'est ça. Ça, la manipulation. Ou un caporal Lorty qui rentre... Oui, manipulé par un plan beaucoup plus bas, par exemple. Un plan même relativement très bas du plan astral, mais le même genre de manipulation, la libération. Pourquoi le caporal Lorty l'a fait? Ben, pour aider l'humain. Parce qu'on était pris par un paquet de dirigeants absolument stupides, etc. Alors, il a décidé de faire sa part, lui aussi, de venir aider... De sauver le Québec. Puis là, il est en prison pour ça. Son corps est en prison, sa partie évolutive est en prison, étant donné qu'il est un être normal, où on l'a instruit que tout ce qu'il faisait, tout ce qui était pour arriver par le biais de son corps physique, était de sa faute. C'est un peu comme si on disait un jour, on vous remet un corps physique entre vos mains. Alors, tout ce qui arrive par ce corps-là, vous êtes en être responsable. Vous allez payer pour. Alors, laissez jamais personne se servir de votre corps. Ben, c'est ça. Caporal Lorty, il y a quelqu'un qui s'est servi de son corps. Et lui, ben, vu qu'il pense que c'est lui, ben, évidemment, il est prêt à payer pour. Pendant combien d'années, lentement, ça l'a miné? Je vais vous donner un exemple. Moi, vous conter une petite histoire. Certains qui, maintenant, ont des préjugés ne voudront pas croire ce que je vais dire dans le début. Ils vont croire la fin, mais pas le début. Il y a un bonhomme qui était assez jeune, et qui a été instruit à aimer Dieu. Et que toutes les solutions dans notre humanité se trouvaient dans la Bible. Alors, vu qu'il était jeune, il a cru, évidemment. Et plus il lisait la Bible, plus il trouvait les solutions. Et dedans, on disait « Aimez-vous les uns les autres ». Et on parlait que Dieu aimait tous les hommes, que Dieu pardonnait. Mais le problème, c'est qu'où il restait, lui, les Noirs, c'était pas du monde. Et d'ailleurs, on les appelait les nègres. On les appelait pas des gens, on disait pas des gens, on disait des nègres. C'est la preuve, c'était pas du monde. Mais lui, dans la Bible, on disait pas ça comme ça. Alors évidemment, il essayait d'avoir des contacts avec les Noirs, et puis là, les Blancs ont voulu démolir le miroir. Alors les Blancs ont voulu démolir ce bonhomme-là. Alors il a grandi, il a surtout été travailler avec les Noirs, parce qu'il était religieux, il croyait en Dieu. Et évidemment, les miséreux sont toujours les premiers à accréditer une croyance. Alors, les Noirs étant bafoués partout, les Noirs ont commencé à le suivre. Il a ouvert une église, il a fini par devenir prêtre d'une religion, ce n'était pas l'église catholique, mais similaire. Alors, il a enseigné, il a instruit les gens, et puis il a fait en sorte que les Blancs aiment les Noirs, et puis ça marchait. Il était relié à un plan manipulateur du haut astral, l'astral du ciel. Le Dieu qu'il priait et qu'il adorait, il ne savait pas quel Dieu c'était. Mais lui était convaincu que c'était Dieu. Et c'est ça le problème, c'est que l'homme souvent va dire « Oui, mais c'était un criminel, tous les criminels, on devrait les pendre. » Oui, mais il y a différentes nuances de criminels. Comme il y a différentes nuances de Dieu. On a des dieux qui disent, et ça c'est aux Indes, vous allez rire, un Dieu ne fait pas ça. Mais là-bas, ils sont convaincus, parce qu'une fois par mois, il faut qu'un adepte aille tuer un touriste avec un bon nylon. Bon, on a même ici un Dieu qui dit, je n'ai parlé un peu la semaine dernière, que la femme, elle est là pour servir l'homme. Et que si elle sert bien l'homme, elle va se réincarner en homme, et là, elle pourrait être sauvée, parce que la femme ne peut pas être sauvée. Bon, alors, ici à Montréal, une secte. Mais c'est quand même ce Dieu-là, le dit. Alors on pense toujours que son Dieu, c'est correct. Alors lui, il pensait la même chose. Mais il était, ça allait bien, c'était haut, c'était parfait. Lorsqu'il lui manquait d'argent, il priait. Il avait une réponse, il essayait, ça marchait. Alors il a réussi à s'occuper des vieillards de sa paroisse, financer, il a réussi à s'occuper des miséreux, de donner de la nourriture. Tout marchait, ça allait bien. L'église se remplissait de plus en plus. Jusqu'au jour où c'était peinturé des phénomènes du Ku Klux Klan dans la porte de son église. Alors, le clan est une organisation, une société secrète qui, évidemment, veut pousser le pouvoir blanc, détruire donc les Noirs aux États-Unis. Alors, il a été malmené, il a été, et c'est ça, c'est le même que fonctionnent les manipulations de l'astral. Lentement, il a fini par haïr le Ku Klux Klan. Mais la Bible disait de ne pas haïr, il a toujours su. Mais là, il commençait à haïr. Lentement, il se faisait manipuler, et là, le Dieu qui était venu le chercher, lentement, ce Dieu prenait le vrai visage. Alors, ce bonhomme a décidé de créer l'Église du peuple, parce que c'est le peuple qui a besoin de l'Église. Alors, lentement, ça allait. Il protestait, il s'occupait de marches. En fin de compte, il a fait une immense tournée aux États-Unis pour promouvoir la parole du Christ. Et il était toujours correct, mais il ne savait plus qu'il était charrié. Jusqu'au jour où il a rencontré un homme, un héroïnomane, une personne possédée par l'héroïne. Alors, il a voulu le sauver. Il l'a tenu, il l'a forcé à l'autre. Il était en crise, alors il s'est couché avec, il l'a maintenu. Il a passé un peu plus de 24 heures avec, à absorber l'énergie de l'autre. On appelle ça de l'exorcisme. Le camp, ça a été fini, le gars, il n'était plus héroïnomane. L'autre a commencé à l'être. Alors, ce prêtre a donc commencé, maintenant, il devait se droguer lui aussi. Et c'est ça. Là, lentement, il baissait. Toujours le même manipulateur. Toujours la même voix. Jusqu'au jour où il part avec 1000 fidèles en Guyane. Et là, il fonde sa ville, Johnstown. Et après quelques temps, 1000 morts. Toujours au nom de Dieu. Et on peut remarquer une dégradation continuelle de... c'était Yavik, c'était beau, c'était réel dans sa tête. Et quand ça l'a fini, c'était réel. Mais c'était tout à fait satanique. C'était plus Yavik. Mais alors la question, c'est pourquoi est-ce que Dieu a permis que des forces d'opposition comme celle-ci existent et se manifestent? Bon, premièrement, la manipulation, elle est toujours sournoise, insidieuse. Tant que l'être humain n'est pas un leader, il reste collectif. La manipulation ne peut pas le sataniser comme, par exemple, Jim Jones, comme un paquet d'autres, comme le caporal Lortie ou comme d'autres, qui ne sont coupables de rien, mais responsables parce que c'est eux, par eux qu'est venu le problème. Mais le problème est venu par eux parce qu'accepté par tout le monde. On l'a laissé faire. Comme le caporal Lortie, en fin de compte, ça faisait combien de temps que dans les forces armées qu'il y avait des problèmes? Bon, alors il a pu aller chercher les armes qu'il avait besoin. Pourquoi les armes étaient-elles disponibles tandis que normalement elles ne le sont pas? On appelle ça de la manipulation puis de l'orchestration manipulative. Il avait besoin de grenades, de mitraillettes, de ceci, de cela, et tout était disponible. Pourquoi? Essaye d'aller t'en procurer. Va même rencontrer un gars qui est dans l'armée, il ne pourra pas. Mais là, il y a des mécanismes qui étaient très intéressants. Ça nourrissait l'astral, ça créait de l'émotion dans le monde. Ça nourrissait donc ce plan. Et alors, tout était impeccablement fait pour que ça puisse fonctionner. Personne ne l'a arrêté. C'est rentré jusque-là et c'était parfait. Jusqu'à temps qu'un autre leader... Le bonhomme avec qui il a jasé finisse par lentement le ramener. Bon, et maintenant, on le condamne. L'homme est manipulé. Bon, par qui? Pourquoi Dieu laisse-t-il ces phénomènes manipulateurs? Premièrement, les choses qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que Dieu? Bon. Dieu... laisse ou ne laisse pas. Ou Dieu a créé. Dernièrement, j'avais une discussion assez intéressante avec des personnes qui me disaient, je leur demandais justement, si Dieu a créé l'homme à son image, le Dieu tel qu'on le conçoit. Parce qu'il faut comprendre que dans beaucoup de livres traditionnels ou de livres religieux, des livres sacrés, on ne note que les archétypes cosmiques qui ont permis à l'ego de l'humain d'entrevoir et de pressentir une religion. Un contact, bon. Mais ce Dieu a-t-il été créé par Dieu? Alors l'humain prit une crucifix, l'humain prit des choses, mais ces dieux ont-ils été créés par un dieu qui n'est pas touchable par l'homme? Ah, l'homme ne veut pas, parce que l'homme ne pourra plus dormir, fait que l'homme il veut que le dieu soit touchable. Mais est-ce que l'homme peut décider? Pour l'instant. Lorsque je discutais avec la personne, et je lui demandais, on est manipulé, comment ça se fait que l'être humain qui a des raisons intelligentes ne peut pas les exprimer? Pourquoi l'homme qui veut vivre en paix est toujours en guerre? Pourquoi la personne qui veut se coucher et dormir, ça parle dans sa tête, tu ne peux pas dormir? Pourquoi toujours des choses comme ça? Pourquoi tu veux t'occuper de tes enfants, puis maintenant tu ne peux pas? Pourquoi tu te lèves un matin, t'es down, un matin, t'es correct? Un matin, tout va bien, puis il se passe quelque chose, tout va mal. Pourquoi? Et l'homme ne veut pas. L'homme souffre, l'homme ne veut pas souffrir. Il n'y a pas un humain sur sa planète qui veut qu'on vive comme ça. Tous les hommes sont des hommes de bonne volonté. Bon, je le dis souvent, ils veulent faire le bien et ils le font mal, c'est le problème. Pourquoi ils le font mal? Parce qu'ils sont manipulés. Alors une personne me disait, oui, mais Dieu a créé l'homme à son image. Alors je demande, est-ce que Dieu a donc le savoir? Dieu, est-ce qu'il a la connaissance, pour prendre le terme, disons? Bien sûr! S'il a créé l'homme à son image, pourquoi qu'il ne l'a pas créé intelligent? Oh, mais à l'origine, l'homme était intelligent, c'est après la chute. Alors, posez-vous la question, si l'homme est intelligent, comment un être intelligent qui voit tout peut perdre l'intelligence? Si l'homme peut la perdre, Dieu peut la perdre. Oh non, Dieu, ben l'homme est pareil, l'homme non plus. Si toi, tu vois tout, comment peux-tu tomber dans le trou? C'est une mauvaise bonne question à se poser. Alors, ou bien l'homme a été créé sans cette connaissance, et là, il y a un mécanisme qui l'empêche d'aller la chercher. Donc, l'homme est terrestrifié. L'homme s'est créé, mais enfin bon, l'homme est terrestrifié, l'homme est planétarisé, et il est obligé à ne pas savoir ce qu'il devrait savoir. Alors, ou bien il y a ça, mais on ne peut pas dire qu'un être qui a la connaissance totale, dans un Éden, par exemple, en bouffant une pomme présentée par un serpent, alors c'est évidemment philosophié, mais celui qui a la connaissance ne peut pas la perdre. Enfin, la connaissance, oui, mais le savoir, non. Alors, si l'homme est créé à l'image de Dieu, c'est que l'homme est comme Dieu. Mais si l'homme est comme Dieu, l'homme est donc un représentant diminué de Dieu. Parce que s'il est comme Dieu, il n'y a plus de problème. S'il est un représentant diminué de Dieu, une parcelle de Dieu placée sur le plan planétaire, et qu'on a obligé à couper le contact avec le savoir instantané pour que cette parcelle accepte de rester plantée sur la Terre, parce que sinon, l'homme, il sacrerait son camp de suite. Imaginez-vous, de vivre comme on vit. Bon. Alors, l'homme reste là. Et qu'est-ce qui peut obliger l'homme à rester sur le plan planétaire? Un nuage obscur qui l'entoure et qui l'empêche carrément de se connecter. Maintenant, il y a une raison fondamentale. Oui, j'en ai déjà parlé, on va y revenir. La question, c'est qu'est-ce que le niveau manipulatif? Le plan astral est un plan grégorien. C'est un plan qui permet à l'être humain de vivre des rêves. C'est un plan qui permet à l'être humain de prier, d'imaginer, de ce que lui appelle créer. C'est le plan d'émotion, le plan des mémoires, le plan des désirs, c'est le plan des souffrances, le plan des peurs. C'est le plan vers lequel l'humain veut se relier. C'est le monde des morts. C'est un monde qui n'est pas en relation, c'est un monde créé qui n'évolue pas. C'est pour ça qu'on appelle ça un monde des morts. Parce que partout dans notre univers spatio-temporalisé, les choses mémorielles ne sont pas permises. Les seuls phénomènes mémoriels dans le contexte de notre galaxie sont le phénomène matériel et le phénomène vital. Donc, les planètes, c'est tout. Sur le plan planétaire, le phénomène vital a une évolution plus grande que sur les autres planètes. Alors, on a les plantes, on a les animaux, on a les hommes. Mais c'est la seule planète existentielle comme la nôtre, expérientielle comme la nôtre, où on peut mémoriser aussi le temps. Alors, automatiquement, on a un contexte apparemment d'évolution où tout ce qui a été fait reste dedans. Et c'est le ciel, c'est l'astral. Et l'homme se réfère à ce contexte qui, maintenant, est dans le présent, mais qui représente non pas l'actualité cosmique, mais l'actualité passée planétaire, mais dans le présent. Alors, l'homme vit dans un nuage qui est la stagnation de ce qui se passe. Et tout ce qui continue à se passer est fixé dans ce nuage. C'est le ciel. C'est donc le monde des morts. Mort parce que ça ne représente pas la vie, ça représente ce qui a été la vie. Et l'homme est en relation avec ça par son âme, donc par son ego. Il mémorise lui aussi. Il doit donc apprendre des choses. Il doit apprendre comment se connecter avec ça. Il doit apprendre comment faire des rituels pour plaire à Dieu. Il doit apprendre comment pardonner. Il doit apprendre à vivre une relation avec le monde des morts. Et toute la manipulation, elle est là-dedans, c'est-à-dire que l'homme ne doit pas s'échapper du monde des morts. L'homme est un mortel, son âme va dans le ciel, mais jamais l'homme, ça c'est ce que ce nuage veut instruire l'humain, jamais l'homme ne doit traverser ce nuage. Vois-tu, le Nazaréen a dit un jour, « Faites ceci, faites cela, et le Nazaréen a ouvert les portes du ciel. » Il a dit, « Les portes du ciel sont maintenant ouvertes. » Lorsqu'il dit cela, il veut simplement dire que les portes du ciel sont ouvertes. À partir de maintenant, l'homme va pouvoir sortir du ciel. Et sortant du ciel, il rentre dans les cieux. Évidemment, là, ça a été récupéré par les phénomènes astraux, et là, on dit, ouvre les portes, maintenant, on peut rentrer. Mais non, l'homme, une fois que l'homme meurt, l'homme rentre dans le ciel. Il rentre pas dans les hauts plans spirituels du ciel. Il rentre dans les bas plans, d'accord? Le Nazaréen, par son évolution, permet aux âmes de pouvoir être digérées dans les plans spirituels du ciel. Mais lorsque l'intelligence, l'Esprit-Saint ouvre les portes du ciel, elle ouvre les portes qui empêchent l'homme de sortir. Pas les portes qui permettent à l'homme de rentrer. Mais non. L'enfant, il vient, il meurt, il va au ciel. Tu capotes? Baptise-le, baptise-le pas, il va au ciel. Mais on ne sort pas du ciel comme ça. Oh non, jamais de la vie. On ne peut pas sortir du ciel comme ça. Le Nazaréen pénètre les cieux. C'est d'ailleurs dans ses termes à lui. Il pénètre donc le premier palier des cieux, l'énergie supramentale, le plan du savoir instantané. La manipulation, elle est donc contenue dans cette sphère où tout est orchestré pour que l'humain reste planté là, que l'humain meure, s'en aille au ciel, reviennent, s'en aillent au ciel, reviennent, que l'humain se rappelle des personnes qui sont mortes, c'est dans le ciel qu'ils sont placés, que l'humain se rappelle de tout ce qui est mémorisé de ce monde des morts. La manipulation, elle est exclusivement laissée là pour que l'homme vive une expérience qui va lui permettre de se terrestrifier à un point tel que lorsqu'il aura un contact avec les cieux, donc avec ce qui a maintenant créé cette sphère expérientielle, la Terre. Lorsque l'homme aura un contact avec ce plan, il aura été suffisamment terrestrifié qu'il pourra, dans un corps de chair, donc dans un corps de matière, pouvoir supporter le contact de l'esprit qui, elle, ne peut pas supporter le contact de la matière. Dieu ne peut pas supporter le contact de la matière parce que lorsque Dieu touche à la matière, il est matérialisé. On regarde l'antique religion qui dit que Dieu s'est fait chair. Pourquoi Dieu n'est pas apparu carrément à nous parler? Il ne peut pas! Fallait que Dieu passe par un corps de chair. Fallait donc qu'il y ait un homme, un humain qui soit terrestrifié, qui vive des émotions, qui vive une évolution infantile similaire aux autres et qui, à un moment donné, se connecte à son esprit. Ça, c'est l'histoire du Nazaréen. Ou l'histoire de d'autres aussi. Mais Dieu, lorsque Dieu touche à la matière, il se brûle. Lorsque la matière touche à Dieu, la matière se brûle. Lorsque l'homme veut toucher au plan des cieux sans être prêt, il se brûle. Il y a besoin d'un tampon, l'énergie mentale, l'ajusteur de pensée, qui déconnecte l'énergie mentale de la manipulation de l'ego. Et l'ego étant le foyer central de l'âme, l'âme étant ce qui permet à l'être humain, à l'homme, d'avoir un contact avec le ciel, d'avoir un contact avec les autres par le biais de ce que l'être humain appelle l'amour, l'amour psychologique, d'avoir un contact avec le passé, d'entrevoir l'avenir, de pouvoir espérer. C'est son âme. Sauf que lorsque le mental est régi par l'âme, alors automatiquement l'homme désire quelque chose. Et toute l'intelligence de son mental sert à ce désir, même si le désir n'est pas intelligent. Lorsque le Nazaréen dit « Je fais la volonté de mon Père et non plus la mienne », mais comment peux-tu savoir que tu veux avoir la volonté de ton Père? À l'instant où le Nazaréen désire faire la volonté de son Père, il fait la sienne. Alors, c'est lui qui veut faire, donc il fait la sienne. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que lorsque l'ajusteur de pensée permet d'orchestrer le mental pour que le mental se déconnecte de la manipulation de l'ego, automatiquement, il se connecte à la manipulation supramentale. Donc, automatiquement, l'homme qui vit fait la volonté des cieux et non plus la volonté de la terre ou du ciel. Donc, il fait la volonté de son Père. Bon, il parle à des humains. Et il ne fait plus la sienne en tant qu'ego. Alors, la manipulation, elle est orchestrée par tout un schéma extérieur. Évidemment, ce soir, je fais un résumé très bref. On en a parlé, on va de toute façon y revenir. Il y a une chose intéressante, c'est qu'il y a mon livre qui va sortir à un moment donné. Les éditeurs disent toujours 2-3 semaines. Bon, enfin, encore dans 2-3 semaines. Et puis dans 2-3 semaines, on verra. Et toutes les conférences qui vont en suivre seront des conférences qui seront directement reliées à chacun des chapitres du livre. Bon, alors on reparle de la manipulation, on reparle des manipulateurs, on reparle des créations, on reparle d'un paquet de choses dans le livre. Sauf que on met ça dans un texte, ça permet aux personnes peut-être de pouvoir le lire à leur vitesse, parce que certains trouvent que je parle vite. Et je parle justement d'une certaine vitesse. Trouvez-vous qu'il parle vite? Bon, toi, non, oui, peut-être. Bon. Alors, voilà. Je parle vite parce que j'émets en masse d'énergie à l'intérieur de la parole de façon à ce que ça ne puisse pas être intellectualisé ce que je dis. Donc, je l'ai expliqué souvent d'ailleurs, c'est une question de vibration, les conférences du vendredi. Et dans un livre, alors là, on peut lire à sa vitesse. Et lorsqu'on n'a pas compris les choses, ben, il y aura justement des conférences qui seront parallèles au chapitre. Bon. Et alors, on va revenir sur la manipulation, sur l'astral, sur le ciel, sur les cieux et tout ce genre de choses. Et en plus, pour montrer, disons, ma bonne foi, j'ai réussi à convaincre le centre de donner la cassette. Alors, si je parle vite, c'est pas grave, ils peuvent réécouter. En résumé, on peut donc dire que l'homme a quelque chose de plus que Dieu, ou que Dieu aurait quelque chose de moins que l'homme, ce serait l'ego. Puis c'est ça le problème de la chute, en fait. Ouais. C'est ça, cette lutte, ce combat, là, sur la genèse. Là. La description que tu nous as faite un peu de l'astral, ça ressemblait beaucoup à un ordinateur qui a engrangé des mémoires, etc., du passé, puis qui aujourd'hui programme l'homme. Ici, il y a une question sur l'ordinateur, mais celui qui est construit par l'homme. L'ordinateur, sauf exception, serait plutôt une nuisance habituant l'humain à s'en rendre dépendant et retardant alors l'accès au savoir instantané. Point d'interrogation. Bon. L'ordinateur n'est pas une nuisance au niveau de l'évolution de l'homme. Lorsque l'ordinateur est capable de permettre à l'homme de dormir dans un hôpital ou de vaquer à des occupations sont de gestion dans un poste sur un étage d'hôpital, cela permet aux infirmières, à tout le personnel médical, de pouvoir, dans un cadre relaxé, passer une nuit. Et lorsque l'ordinateur détecte chez certains patients des irrégularités biologiques, alors l'ordinateur avertit donc le poste et automatiquement l'infirmière ou le personnel adéquat va pouvoir se diriger vers la chambre et donner les soins appropriés. Ça permet donc d'avoir différents électrocardiogrammes, donc des écrans qui sont au niveau du poste, régis par un ordinateur qui, lui, va calculer le rythme cardiaque, la tension artérielle, les moyennes et tout ce genre de choses. L'ordinateur n'est pas une nuisance, c'est merveilleux. Sauf que lorsque le médecin n'est plus capable de prendre le pouls vital de son patient et qu'il laisse faire une machine pour après interpréter ce que la machine lui dit, là, l'ordinateur est une nuisance. Alors, comme dans tout ce qui a été créé par l'humain, le problème, c'est l'homme. Et c'est lui qui décide ce qu'il va faire de ce qu'il crée. Les ordinateurs sont absolument géniaux pour un paquet de raisons. Prenons l'exemple d'une navette spatiale. L'ordinateur de la navette qui a explosé a détecté le problème. Il a détecté que l'un des joints était abîmé. Il a même détecté qu'une espèce de faisceau de chaleur, donc une partie du feu de ce réacteur d'appoint ne poussait pas la fusée vers le haut, mais qu'une partie, au lieu de pousser vers le bas, poussait vers le réservoir central. L'ordinateur a averti l'ordinateur central de la navette. L'ordinateur central a compris le message, mais étant donné que l'homme n'est pas suffisamment rapide, il n'avertit le contrôleur de bord qu'à toutes les 1/10 de seconde. Alors, l'ordinateur central a demandé vérification à l'ordinateur qui s'occupait du joint, donc du réacteur d'appoint, et 10 fois, l'ordinateur d'appoint a averti l'ordinateur central que présentement, un immense chalumeau était en train de découper le réservoir principal de la navette, de la fusée porteuse. Lorsque l'ordinateur central a été averti 1/10 fois, cela, donc 10 fois en 1 seconde, cela voulait dire averti le pilote. L'ordinateur a averti le pilote du Challenger l'a su, et ça sautait. Si on a des ordinateurs qui sont plus perfectionnés et qui sont capables dans des cas extrêmes, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les fusées d'appoint poussent. Et l'ordinateur a même légèrement braqué le faisceau du réacteur pour pouvoir contrebalancer, parce que vu que le faisceau de propulsion ne poussait pas la navette dans la bonne direction, étant donné la désorientation de l'axe de la fusée d'appoint, l'ordinateur a même fait bouger cette fusée, c'est cet axe du propulseur d'appoint pour replacer la navette. Mais étant donné que l'humain ne fait pas encore et ne peut pas encore créer des ordinateurs auxquels il peut faire totalement confiance, l'ordinateur ne pouvait qu'avertir le pilote. Le pilote averti a su qu'il était en train de mourir. Les ordinateurs, très, très utiles lorsqu'on les applique aux bonnes places, aux bonnes choses. L'ordinateur n'est plus utile si on lui demande « Mon enfant a 25% en mathématiques, que dois-je faire? » Là, l'ordinateur n'est plus utile. Alors donc, il faut faire attention. Étant donné que nous sommes en réaction, cela veut-il dire qu'on ne peut rien faire pour contrer la guerre, qu'on ne peut rien créer? Parlez-moi de la pensée créatrice et de l'homme nouveau. Bon. Contrer la guerre. C'est intéressant. Pour l'instant, il n'y a pas de guerre et on demande comment contrer la guerre. C'est ça, la manipulation. Comment régler le problème qui n'existe pas et problème auquel on attache tellement de peur qu'on est presque sûr de le créer, au moins pour avoir raison d'avoir peur. La pensée créatrice ne pensait pas à ça. Pour l'instant, l'homme, la pensée créatrice, ça n'existe carrément pas. L'homme va arriver à un moment donné, un jour, à créer, à partir de l'énergie vitale, c'est-à-dire à partir de l'énergie supramentale, vitalisée ou terrestrifiée, comme le Nazaréen a fait. Vous savez, quand le Nazaréen a multiplié les pains, c'est pas vrai. Une farce. Il y avait un panier vide. Mais les apôtres n'auraient pas pu comprendre que d'un panier vide naisse du pain. Alors il a créé 3-4 pains. Et puis là, il a dit aux apôtres, amène-moi le panier. L'apôtre a amené le panier avec les 3-4 pains. Puis là, il en a fait un paquet. Mais le Nazaréen n'avait pas besoin de 3-4 pains ou de 3-4 poissons pour faire du poisson, pour faire du pain. La pensée créatrice, ça n'existe pas parce que la pensée, ça ne peut rien faire d'autre que de penser. Et la pensée, c'est ce qui met l'humain en relation avec les forces manipulatrices. C'est pourquoi on va dire, tu penses mal ou tu penses bien. Bref, t'es plugué par ta pensée du côté satanique de l'astral ou du côté yavique de l'astral. Mais quand l'homme pense mal, peut-il penser bien? Quand vous pensez quelque chose qui vous fait peur, on pourrait vous dire, mais pense à de quoi qui ne te fait pas peur. Ça marche pas. Parce que vous ne pensez pas. Vous êtes conscient de la pensée. Vous réfléchissez la pensée. Mais on pense à votre place. Alors, on peut dire à une personne, mais cesse de penser à ça, pense à d'autres choses. La personne pourrait dire, ah ben oui, c'est vrai, clique, c'est réglé. Elle ne peut pas penser à d'autres choses parce qu'elle n'a pas le contrôle de sa pensée. C'est évident que pour l'homme ancien, ça froisse son ego parce qu'il a toujours été convaincu, lui, c'est d'ailleurs le problème de l'homme ancien, qu'il était un être intentionnel, qu'il avait un libre arbitre, qu'il pouvait penser sa vie. Et c'est pourquoi il souffre toujours. Il ne veut pas l'admettre. La pensée, ce n'est pas... La pensée, c'est... Vous avez conscience que vous pensez parce que vous réfléchissez. La réflexion, c'est une espèce de miroir qui permet à la pensée d'être réfléchie. Et vous n'avez conscience que du miroir. Et vous dites « je pense ». Vous ne pensez pas. Vous prenez conscience de la pensée. Oh, tu penses bien mal. Tu sais, je te dis, ça pense dans ma tête, ça pense mal. Faudrait que je coupe là, puis que je plug là. Moi, je vois ce que je pense, et je dis ce que je pense. Non, je dis ce qui se pense. Je dis ma pensée. Quand on dit « laisse-moi donc exprimer ma pensée », ça veut dire quoi? C'est « laisse-moi donc exprimer ce qui se pense chez moi, la pensée ». Faites juste observer, c'est pas compliqué. Je sais que la grande majorité n'arrive pas à suivre. On ne veut pas ne pas penser. Mais êtes-vous capable de penser à n'importe quoi et de changer complètement? Lorsque je me demande à une personne en séminaire, est-ce que tu es capable d'accélérer ton cœur par ta pensée? Elle me répond, ben oui, j'imagine. Imagine pas, fallait! Alors, je prends son pouls. Ça accélère un peu nerveuse. Et là, je double-moi ça. Ouais, pas de même, c'est gênant, là, tu sais, il faudrait que je me place dans... J'ai plein de salles ici, vides, j'en ai avec des tapis, j'en ai avec des miroirs, j'en ai avec toutes. Laquelle tu veux, puis je vais aller te voir dans 15 minutes. Faut que ça batte au double. Oh, moi, je suis pas capable, mais ça se fait sans doute. Pourquoi tu me dis que t'es capable si t'es pas capable? Ça se fait sans doute. Qui le fait dans tes amis? Oh, il n'a pas. Alors, ça se fait sans doute, t'as pris ça où? J'ai vu ça dans l'émission Les Champions. Superman, la guerre des étoiles, dans l'astral. Mais regardez comment l'être humain est manipulé, parce que moi, je regarde la personne dans les deux yeux, et là, j'écris en pleine face. Bon. Et là, je prends son pouls. Pourquoi son corps a accéléré? Parce qu'elle a eu peur. Et on a peur dans sa tête, dans sa pensée. Et parce qu'elle a eu peur, le cœur accélère. Alors, elle n'a qu'à penser, je lui fais remarquer. Pense donc à des choses qui te font peur, ça va accélérer. Et c'est un fait. Vous allez voir une vue. Vous pensez à des choses, vous lisez un roman. Et il y a des stimulations hormonales endocriniennes qui s'opèrent. C'est pas la pensée qui fait ça. C'est l'expression du manipulateur ou de l'astral par le biais de votre corps physique. La pensée créatrice, ben imaginez-vous bien que vous ne pensez même pas. Alors, pensez pas avoir une pensée créatrice. La pensée, elle veut rester chez vous parce qu'elle fait partie de ce qui permet à la manipulation astrale de pouvoir vous contrôler. Parce que vous vous imaginez que vous pensez, et ce que vous pensez, ben vous voulez le faire. Mais c'est faux. Vous ne pensez pas. Ce que vous percevez de la pensée qu'on vous donne, vous voulez le faire. Parce que pensant que c'est vous et étant orgueilleux, c'est vous, ben vous voulez le faire. Alors lorsque vous avez pensé faire un vol à l'étalage, puis appliquer ça, ben vous pensez que c'est vous qui avez pensé mal, vous pensez que vous êtes pas... Pensez à ce qu'on va créer, soyons intelligents et créons le don directement. Lorsque l'homme pense, c'est qu'il est régi par ses mémoires. Vous ne pouvez pas penser à des choses que vous ne connaissez pas. Et c'est le problème, c'est ce qui vous limite à cette atteinte du savoir instantané. Pourquoi vous ne pouvez pas avoir accès au savoir instantané? C'est parce que vous pensez. Et lorsque vous pensez, ben la pensée n'étant que référence mémorielle, vous ne pouvez pas penser en allemand, vous n'avez pas appris à parler en allemand. Vous ne pouvez pas penser en n'importe quelle autre langue. Vous ne pouvez pas penser à des choses que vous n'avez pas appris. Votre pensée est l'expression, elle est tributaire, elle est l'esclave de vos mémoires. Et les mémoires font partie de ce qui n'est pas vivant, partie du monde des morts, du ciel. Lorsque l'homme cesse de penser et qu'il reste attentif, automatiquement, il est connecté au savoir instantané. Mais non, l'homme veut penser à quoi ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que de me connecter? Tu ne sauras pas. L'homme veut penser, qu'est-ce qui va arriver si un jour il y a une guerre et l'homme nouveau est là? Et l'homme ne le saura pas, c'est pas arrivé. L'homme ne peut pas penser à ça. Parce que tout ce que l'homme pense n'arrive pas. Vous pensez à des peurs, vous pensez à des craintes, vous pensez à des contextes, vous pensez à ceci, vous pensez à cela. Ça n'arrive pas. On pensait qu'Adolf Hitler, lorsqu'il pénétrait en Pologne, c'était pas dangereux. On pensait que lorsqu'il pénétrait en Tchécoslovaquie, c'était pas dangereux. On pensait que lorsqu'il était en France et qu'il amenait du monde, qu'il amenait des Juifs en campagne, leur donner un paradis terrestre avec des fleurs de rose et tout ça, que c'était pas dangereux. On pensait même dans les camps de concentration qu'ils nous concentraient pour qu'on soit meilleur, tu es du concentré de juifs. Mais c'était pas correct, ça te dérangeait pas. Et puis à un moment donné, on pensait qu'on s'était fait fourrer puis qu'on se faisait tuer, puis là on tombait parce qu'on était mort. Là on pensait plus. La pensée. Oui, mais crime, les juifs, ils auraient pu s'en rendre compte. Non, parce que les juifs ne pensaient pas que c'était dangereux. Les juifs pensaient que c'était correct. Et pourquoi qu'ils pensaient que c'était correct? Parce qu'on pensait dans le tête que c'était correct. Parce qu'on les forçait à penser que c'était correct. Puis comme ils s'identifiaient à leur pensée, ben c'était correct. C'est la même chose pour tout le monde ici. Oui, alors, il ne peut pas rien arriver à mon gars. Mais non, on te fait penser ça. La journée qu'il se fait enlever, j'aurais jamais pensé. Ben non, c'est bien évident. On n'était pas pour te le faire penser. Tu l'aurais gardé dans la maison. Oui, moi, je ne sors plus, là, je pense que j'ai toujours peur que... Ben oui, c'est ça, on s'amuse. On s'amuse avec l'homme. Pensée créatrice. L'homme va créer, mais l'homme ne pensera pas. Nazarien n'était pas là, je devrais-tu faire du pain ou ben non, des lasagnes? À moins que je ferais... Attendez un peu, là. Y a-tu bien du pain, juste toi? Je n'ai-tu assez pour en faire 3 millions? D'un coup, il n'aime pas le pain, le monde. Hein? D'un coup, il n'aime pas ça, ce pain-là. Qui c'est qui veut du pain au seigle? Là-bas, du pain au raisin? Là-bas, du bon. Mais non, ils ne pensaient pas. Ils ont faim, c'est un stimuli parfait, donne-leur à manger. C'est pas de la pensée. Pourquoi pensez-vous qu'un être humain... Je prends l'exemple du Nazaréen souvent parce que vous le connaissez un peu plus. Prenons l'exemple de quelqu'un que vous connaissez moins. Prenons mon exemple. Bon, ben, il rit, c'est tout. On prend l'exemple du Nazaréen à la place. Pourquoi, lorsqu'une personne arrivait devant le Nazaréen avec une question piège, est-ce que tu respectes César ou ton Dieu? Parce que si c'est ici, si respecte César devant tout le monde, il avoue que César est plus important que son Dieu. Fait qu'il se fait avoir. S'il respecte son Dieu, c'est illégal. Il s'en va en prison parce qu'il faut qu'il respecte César. Alors, n'importe quel humain normal, il faudrait qu'il pense. Hein? Oh, blut, ça, c'est une attrape, ça. Laisse-moi y penser. Un Dieu ne pense pas. Un Dieu parle. Alors, il se retourne devant le pauvre type et lui dit « Rends à César ce qui était César, pas à Dieu ce qui était Dieu. » Faites, là, le gars. Le gars, fallait qu'il pense. Alors, fallait qu'il pense comment trouver. Non, là, il s'est en allé. Mais le Nazaréen n'avait pas pensé. On me pose des questions, je parle. Je parle vite parce que je ne pense pas. Je peux ralentir mon flot de parole. Sauf que si je ralentis mon flot de parole, je dois mettre un peu plus d'énergie dedans et vous ne comprendrez pas plus. Depuis tout à l'heure, d'ailleurs, que je l'ai ralenti. Étant donné, bon, parle-moi de la pensée créatrice, je pense que j'en ai assez parlé, et de l'homme nouveau. L'homme nouveau ne se demande pas comment empêcher les guerres. L'homme nouveau, il agit. L'homme nouveau, il parle. OK. Sauf que sa parole, elle est de l'énergie. Sa parole, elle est de la pratique. Lorsque moi je parle, je m'instruis. Mais l'homme nouveau agit autrement que par la parole aussi. C'est-à-dire qu'il est capable de transmuer l'énergie du savoir instantané par la gestuelle. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, je ne m'arrange pas pour empêcher les guerres. Voyons donc, si vous voulez faire la guerre, faites-la. Si je vous en empêche, j'allais dire que je vous manipule. Alors, je ne vous manipulerai pas. Je n'irai pas manipuler l'humain. Si l'humain veut faire la guerre, qu'il la fasse, la guerre. Pourquoi devrions-nous empêcher l'humain de faire la guerre? Ah! Parce que vous ne la voulez pas, vous autres. C'est d'égoïsme en maudit. Tous ceux qui veulent la paix veulent empêcher ceux qui veulent la guerre de faire la guerre. C'est égoïsme en maudit. Pas grande différence évolutive entre les deux. Celui qui veut la guerre veut forcer les pacifiques à la faire. Celui qui veut la paix veut forcer les guerriers à la faire. Ils sont pareils. Non, lorsque on ne pense pas à ce qui va se passer quand il y aura la guerre, on ne pense pas, on agit. Moi, je fais des... On me demandait dernièrement en séminaire, mini-séminaire, pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous faites des conférences? Pourquoi vous parlez? Pourquoi vous... C'est quoi votre pensée, là? Qu'est-ce qui vous traîne derrière la tête, là? Alors, j'ai répondu le problème avec l'homme nouveau, et c'est le problème lorsque je fais des conférences, c'est que je ne peux pas mentir. Lorsqu'on pose une question intelligente, bien posée, personne n'aura automatiquement la réponse. Et même que de temps en temps, je dois m'efforcer à l'ajuster, même parce que la personne qui la pose, elle peut avoir la réponse, mais pas nécessairement tout le monde. Mais alors, je lui réponds. J'ai eu le temps d'ajuster entre-temps. Que je veux simplement avoir la paix. Je pense pas avoir la paix. Je pense simplement qu'un jour, ce qui va m'arriver, il n'y a personne dans la rue qui va être capable de pouvoir le supporter. Il faut que j'aille me cacher. En plus, il y en aura qui seront libres. Plus il y en aura qui seront intelligents, plus le monde normal va accepter. N'est-ce pas? Le monde normal va accepter qu'un jeune de 12 ans rentre à l'université et qu'il aille dire au professeur de médecine, « Pas comme ça, vous faire ça! » Mais s'il n'y a rien qu'un, ils l'accepteront pas. Ils vont le disséquer. Mais s'il y en a 1 million, on va dire c'est normal. Ça fait partie de l'évolution normale des choses. On va dire c'est le millénium qui s'en vient. On va dire c'est 13 800 ans d'âge d'or qui arrive. On va dire c'est le retour du Christ dans la tête d'un paquet de monde. On va dire n'importe quoi, mais on va nous laisser en paix. Ça, c'est une raison intelligente de faire ce que je fais. Parce que l'être humain qui m'entoure, dans la société québécoise, entre autres, ce sont tous des êtres humains qui, veut pas, se dirigent vers cet homme nouveau. Oh, pas tous en même temps. Ils sont pas tous ici, vous pouvez constater. C'est une raison intelligente. Que penser des guerres? Que penser de ceci? Mais on ne pense pas. Quelqu'un me disait un jour, « Oui, mais qu'est-ce que tu penserais, toi, si à un moment donné, tu es en train de faire une conférence, puis il y a deux gros bifs qui rentrent, ils te sautent dessus, puis ils passent à tabac. Hein, qu'est-ce que tu penserais de ça? Si tu veux, j'en pense. Si ça arrive, je me suirai. Pensez. Pourquoi je perdrais de l'énergie, vous appelez ça du temps, vous autres, à penser à ce qui pourrait m'arriver si telle chose arriverait? Bon, mais si c'est un chien qui rentre une sorte dessus, des coups c'est un tigre, des coups c'est un éléphant, quelqu'un qui vomit, François qui me saute dessus, qui me tire le verre d'eau avant de s'en aller, des coups que ça brûlerait, des coups le feu pognerait, des coups le cadre tomberait, des coups la chaise défoncerait, des coups... Ben, il y en a qui passent leur vie à ça. Avec des si. Si. Il y en a beaucoup. Mais moi, je pense pas. Alors, j'ai pas besoin de... Je pense pas. Alors, l'homme ancien dit, tu penses pas, mais qu'est-ce que tu fais quand tu es tout seul si tu penses pas? Tu penseras pas à te lever. Tu penseras pas à manger. Tu penseras pas à te moucher. C'est pas besoin de penser pour manger, pour vous moucher, n'est-ce pas? Quand vous avez faim, vous mangez. Moi aussi. Puis quand vous sentez des feelings bizarres sur la lèvre supérieure, vous mouchez? Moi aussi. Pas besoin de penser. Léonard de Vinci était-il prescient pour avoir inventé, imaginé des inventions qui n'existaient pas à son époque, mais qui, plusieurs siècles plus tard, apparaîtraient? Non, Léonard de Vinci n'était pas prescient. Léonard de Vinci était un homme qui était un inventeur. Il n'était pas prescient pour la simple raison que toute la majorité de ses inventions étaient là pour exprimer une mécanicité intellectuelle développée chez lui et non pas pour lui amener des données, de l'information lui permettant de pouvoir mieux manipuler ou régir ou légiférer la vie des autres. Léonard de Vinci n'était donc pas prescient. Par rapport à l'humain de l'époque, il était un homme nouveau. Bien évidemment que vous, vous êtes tout supérieur à Léonard de Vinci. Mais si vous seriez placé dans le même temps que lui, comme vous êtes présentement, ben vous feriez drôle figure aussi. Vous seriez plus qu'un homme nouveau. D'ailleurs, on vous pendrait sans doute. Léonard de Vinci était un inventeur, c'est-à-dire qu'il avait la faculté, il avait de l'intellectualisme très avancé chez lui qui le poussait continuellement dans une jouissance de la création apparente à transformer la matière pour pouvoir éloigner. C'est-à-dire que Léonard ne créait pas, Léonard n'inventait pas pour aider l'humain. Imaginez, il inventait un parachute, l'avion n'existait pas. C'était pas pour aider l'humain. Bon. Léonard de Vinci n'avait que... Il jouissait, c'était sa vie, c'était un artiste, et l'artiste qui l'habitait, les manipulations grégoriennes ou les réincarnations pluralitaires de son ego, l'artiste qui l'habitait, c'est une fusion d'artistes, l'artiste qui l'habitait lui permettait de pouvoir peindre, de pouvoir... d'ailleurs, c'est le premier qui a commencé à disséquer. Il avait simplement une nécessité absolue de transformer la matière, créer une chose, la voir marcher et l'oublier. Un autre, maintenant, une autre chose. Alors, il créait des canons, il créait un paquet de machines, c'est absolument effarant. Même la machine pour essayer de découvrir ce qu'il y avait dans la Cadbury. Bon. Et vous constatez qu'il n'a pas découvert le secret, ça prouve ce que je viens de dire. Du moment qu'il l'avait créé, il la mettait de côté, passait à une autre chose. Fait qu'il s'est jamais occupé de finir ce qu'il avait commencé. Alors, que pensez-vous des guides spirituels qui vous aident pour la voyance, les lectures de vie, etc.? Où se situent ces personnes selon vous? Sur quel plan? Que pensez-vous d'une personne qui voit son guide spirituel matérialisé? Il y a un guide là. Il voulait monter. Alors, on revient avec le phénomène, je ne pense pas. Je peux vous parler des guides spirituels, par contre. J'ai fait une conférence intitulée « Les guides de lumière de demain ». J'ai fait une conférence intitulée « Les grands maîtres de l'humanité » ou « Les grands maîtres ». Bon, le guide spirituel. C'est évident que lorsque l'on veut logiférer une croyance, la croyance ne peut pas tenir. Mais l'humain qui a une croyance plus ancrée que sa faculté de s'accepter lui, l'humain qui a une croyance tellement puissante qu'il est même d'accord pour dire « j'aime autant être médiocre, mais pas mettre en doute ma croyance », ben celui-là, je ne peux pas répondre. Alors, adressons-nous aux autres. Vous n'êtes pas des êtres médiocres. Que l'on croit, c'est parfait, parce qu'on peut croire à la tombe, c'est une théorie. Ça explique des choses. Mais il ne faut pas fermer la porte à la réalité au nom de la croyance. Que lorsque la croyance s'avère tout à fait réelle, ce n'est plus une croyance, maintenant on le sait. Lorsque la croyance s'avère fausse, on la transforme pour quelque chose de plus adapté à la réalité, jusqu'au jour où on aura, où on vivra la réalité. On n'aura plus besoin de croyance, parce qu'on saura. Les guides spirituels, pourquoi tous les humains de la planète n'ont-ils pas leur guide spirituel? Certains vont dire qu'ils les ont, mais c'est parce qu'ils refusent le contact avec eux autres. Mais j'en connais, moi, qui en recherche des guides spirituels, puis n'en trouve pas. Jim Jones a trouvé des guides spirituels, et ça l'a fini là où ça finit toujours. Évidemment, lorsqu'une personne se coupe de son guide avant d'arriver en Guyane, ça finit moins pire. Tous ceux qui vous aident pour la voyance, les lectures de vie, etc., tout ce que l'homme crée dans le mécanisme astral, regardez, à l'époque de l'ère du poisson, au 17e siècle, on commençait à découvrir l'intellect, la science. Alors, on s'amusait. C'était la haute classe, c'était être snob que d'aller sentir des fioles ou encore de regarder une personne se faire opérer devant une salle. Parce qu'à l'époque, on opérait ici, on mettait sur la plateforme, on mettait la personne, on faisait venir la haute classe et puis on opérait la personne. Bon, c'était un spectacle. Évidemment, on mourait de... Il n'existait pas d'opération d'infection. Tout le monde venait respirer, tout le monde venait voir ce qui se passait. On voulait savoir. L'intellect au 17e siècle. Mais à l'époque, l'homme avait comme guide spirituel des guides traditionnels. Moïse venait m'aider. Abraham venait m'aider. Rama venait m'aider. Lorsque l'homme a évolué un peu plus, ses guides spirituels ont changé. Un peu avant ça, il y avait des guides très sataniques. Là. Il y avait le diable, et puis il y avait l'ange, et puis ça se battait dans ta tête. C'est la manipulation du haut ciel et du bas ciel, du haut astral et du bas astral chez l'homme. Mais à un moment donné, le guide spirituel arrivait non plus avec des ailes, mais dans une soucoupe volante. Il avait évolué, le guide spirituel. Il avait lui aussi une technologie avancée maintenant. Alors aujourd'hui, on a beaucoup plus de guides spirituels extraterrestres qui arrivent dans des soucoupes volantes qu'avec des ailes. Par contre, dans l'Antiquité, nos guides spirituels étaient souvent ailés. Chose importante, ils ne battaient pas des ailes pour voler. Est-ce que c'est parce que ça leur a fait trop de vent et trop d'air? Ou bien simplement parce que l'être humain leur mettait des ailes parce qu'il les faisait voler et il ne pouvait pas conscientiser le fait qu'on pouvait voler sans ailes. Alors, il leur plantait des ailes, mais les ailes servaient à rien d'autre que de pouvoir permettre à l'ego d'accepter qu'eux autres flottaient. Les guides spirituels rencontrent l'homme. Posez-leur des questions fondamentales, ils ne pourront jamais vous répondre. Ils vont vous dire, ah, mais ce que tu as fait, là, c'est mal. Vous êtes capable de savoir vous aussi. Alors, qu'est-ce que c'est que le guide spirituel? C'est un être créé dans le monde du ciel, un être du monde des morts, un guide, qui permet à l'humain qui n'a pas encore la faculté de mentaliser sa vie, qui permet à l'humain qui n'a pas d'ego suffisamment évolué pour pouvoir constituer, cristalliser un intellect avancé, qui permet à l'humain qui s'identifie toujours à sa pensée et qui a été instruit qu'il était médiocre et qu'il ne pouvait pas savoir. Ben de s'en remettre, si ce n'est pas au prêtre, si ce n'est pas à maman, à papa, à son ami, au psychologue, ben au moins à des entités qui vont venir lui parler dans sa tête. Mais faites attention, ça vire plus souvent qu'autrement mal. Parce que les guides spirituels veulent dire aux hommes, mais faites le bien. Soyez bons, soyez charitables. Le guide vient vous voir un jour, ça arrive de moins en moins comme ça parce que le ciel change étant donné que l'évolution de l'humain change. Donc les mémoires placées dedans sont différentes. Le guide vient voir une personne, il lui dit « Ce que tu as reçu gratuitement de Dieu, donne-le gratuitement. Tu recevras plus. » Alors, elle a la possibilité magnétiquement de pouvoir guérir les verrues. Alors, elle va, ben oui, alors il va dehors et puis là, il y a des personnes qui ont des verrues puis tout ça, ça marche. Et on lui dit « Sois humble. » Aide les autres, aime les autres, c'est un guide spirituel. Alors elle sort dehors, alors elle veut aider, alors elle donne sa chemise, alors elle donne ceci, elle donne cela, et puis elle veut aider. Mais le même maudit guide, il va voir les autres, puis il leur dit, tu sais, t'as deux manteaux, sors-les, mets-les pas, tu sais. Elle, là-bas, la vieille, elle t'a donné un vieux manteau, elle en a deux. Va la voir, elle va te le donner, t'as rien qu'à lui demander. Elle est bonne, elle. C'est le même guide spirituel. Alors, la personne, elle sort dehors, va voir l'autre personne, puis elle dit, le manteau, là, je dis, tu as trop, tu sais. Je n'ai deux propres, mais c'est parce que des fois, je fais du labour en arrière. J'en ai besoin, puis là, je n'ai pas le temps, tu sais. Ah, bien sûr. Le guide manipule celle-là, puis le guide manipule l'autre. Puis là, ah, ben oui. Alors, il part avec le manteau. C'est le même guide spirituel. Mais ça, évidemment, l'humain ne le voit pas. C'est le même phénomène et c'est pour ça que c'est ce que c'est qu'un guide spirituel. Très dangereux. Vous devez vous autres décider de ce qui est bon. Dieu vient vous voir et apparaît chez vous. Êtes-vous capable de savoir si c'est Dieu et non pas une réplique? Une copie conforme? Made in ciel? Mais si vous n'êtes pas capable de le discerner, pensez pas que c'est Dieu. Servez-vous de votre tête. Dieu, s'il existe comme vous le voyez, ben il vous aime suffisamment pour vous laisser la chance. Crime, c'est comme moi, si j'avais des employés dans une compagnie, et puis chaque fois qu'un gars rentre et dit « Je suis le patron, tout le monde l'écoute. Ben, » j'aime autant aller leur prouver que je suis le patron avec des cartes, des babelles, des ci, des ça. Ils sont durs à comprendre. Ça m'a pris une heure à leur prouver que je suis le boss. Mais j'aimerais autant ça que de rentrer là puis de me rendre compte que ça fait 25 boss qui passent puis toute la bebelle est changée, puis tout est sur le derrière, puis les gars travaillent tous avec des boss différents, puis c'est supposément tout moi, ces gars-là. Tu vois, il y a un gars qui rentre avec une cravate, je suis le patron, tout le monde l'écoute. Ben moi, si je serais un dieu intelligent, je dirais, ben non, tu sais, croyez-le pas. Ayez une preuve sûre, au moins! Pas parce que ça apparaît devant vous autres. Dans l'Antiquité, c'est Satan qui faisait ça. Ça apparaît plus beau aujourd'hui. Faites attention aux copies conformes. Alors, les guides spirituels, c'est le même phénomène. Dans la tête d'un, dans la tête de l'autre, autre chose. Il y a beaucoup de couples qui sont manipulés par le même guide spirituel. Et ils s'engueulent. Pourquoi qu'ils se divorcent pas? Pourquoi qu'ils peuvent pas s'en aller? Le guide les retient. Le guide a besoin des deux, ça le nourrit. Ils s'haïssent, ils se maudissent, mais ils divorcent pas, ils peuvent pas se séparer. Ils vont souffrir, ils vont se manger, mais ils s'en iront pas. Ils sont manipulés. Oui, mais quand même bonne, elle n'est pas si pire que ça. On est beau autant ensemble, tu sais, puis... C'est ça. Là, on revient, là. Puis quand elle revient à la maison, là, puis tout, puis minou, puis bon, ça va. Puis à un moment donné, ça recommence. Puis quand c'est calmé, ben là, le guide, il vient encore chercher de la nourriture, les personnes, ils repartent. Parce que le monde sont manipulés. Bon, on va aborder quelques questions à problème. C'est des problèmes que les gens vivent dans la salle. C'est sérieux, essayez de pas rire. Par l'observation... J'ai observé que j'arrivais à observer mes observations. Et plus j'observe, plus je ressens un certain détachement. Mais je n'arrive pas à concevoir cette forme de détachement. Quel est ce détachement? Bon, je me fous du détachement, mais je vais plutôt parler de la personne. Ça va être c'est plus important, plus utile. Pour qu'une personne puisse poser une question comme celle-là, par l'observation, j'ai observé que j'arrivais à observer mes observations. Et plus j'observe, plus je ressens un certain détachement, blablabla. Pourquoi la personne emploie-t-elle le mot observation 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois? Parce qu'elle manque de mots pour supporter une énergie. Certaines personnes viennent ici pour la première, deux ou troisième fois et puis disent « Oui, mais il y a un langage, je ne comprends pas tout. » Mais c'est ça. Au lieu de prendre un mot et de le répéter à toutes les sauces, « Dieu est bon, Dieu ici, Dieu est ça », on met des mots. Alors, il faut avoir un langage à un moment donné. Et cette personne qui parle comme ça est là, une personne qui, parce que c'est très, très, très, très bien dit, on peut vibrer ce qu'elle veut dire par l'observation. J'ai observé que j'arrivais à observer. Donc, elle observe qu'elle observe. J'observe même mes observations. Bon, si la personne, elle a écrit ça ici pour faire un jeu de mots, je m'en fous. Mais la personne ici, elle a écrit ça, c'est bien. Ça veut dire une chose, c'est premièrement qu'elle n'a pas de contact avec un ajusteur de pensée. À quoi ça sert un ajusteur de pensée? Ça sert justement à ça, à venir mettre les bons mots aux bonnes places. Alors, la personne qui pose cette question ne peut pas avoir la réponse, même si la question elle est formidablement énergisée. Elle n'a pas la réponse parce qu'elle a mis le même mot pour définir différentes consonances d'énergie. Si la personne a un ajusteur de pensée, alors automatiquement, elle va être capable de poser la question avec tous des mots différents, ce qui fait qu'automatiquement, elle va poursuivre sa question dans la réponse. Alors, tout ce que je veux dire à cette personne, pour le reste, c'est normal qu'elle se détache, parce que plus on observe, moins l'ego a d'emprise. Plus on observe, plus le mental devient énergisé. Plus le mental est énergisé, plus la personne se dirige vers une personnalisation mentale. Donc, lentement, l'humain va arriver à cette gustation. Il va arriver à être ajusté par un ajusteur de pensée. Et même si elle n'a pas, elle, de contact volontaire avec ton ajusteur, l'ajusteur en aura un. Alors, de temps en temps, elle pourra parler d'une façon ajustée. Jusqu'au jour où elle pourra elle-même entrer volontairement en contact avec cet ajusteur. Alors, par l'observation, j'ai observé que j'arrivais à observer mes observations. Et plus j'observe, plus je ressens un certain détachement. Mais je n'arrive pas à concevoir, elle pourrait pu mettre à observer cette forme de détachement. Quel est ce détachement? J'ai déjà dit, voilà, que conférence, là peut-être 75 conférences, que Lorsqu'une personne s'observait, l'observation est de l'attention. L'observation est du domaine du mental. Maintenant, il est évident que lorsque le mental a observé plusieurs fois, l'ego peut lentement finir par expérimenter l'observation. Alors, l'ego joue le jeu du mental et l'ego observe. Lorsque la personne... J'ai observé que j'arrivais à observer. Mentalement, elle observe qu'égoïquement, elle observe. Alors, j'observe mes observations. Donc, mentalement, elle observe qu'égoïquement, elle observe la mémoire de ce qu'elle a observé. Et plus j'observe mentalement, plus je ressens un certain détachement. Ça va de soi, parce que l'observation, c'est presque vivre. Tandis que la concentration, maintenant, le fait qu'elle observe ses observations. Mais si elle ne fait qu'observer ses observations, elle est dans le domaine de l'astral, du monde des morts. Si elle observe qu'elle observe ses observations, elle observe au niveau mental. Donc, elle est proche du domaine du vivant. Lorsque l'être humain est proche du domaine du vivant, veut pas, il se détache. Mais pas d'un détachement cultivé, d'un détachement naturel qui vient. Elle va souffrir de moins en moins et elle va passer par d'autres stages relativement intéressants ou jusqu'au jour où elle pourra se poser la question ajustée et elle aura la réponse. Notre problème, celui de la mémoire. Lorsque la mutation se fait, il advient des pertes de mémoire. Lorsque j'effectue un travail qui exige de la mémoire et que les circuits coupent, ça crée drôlement des problèmes et je risque de perdre mon emploi. Comment m'accommoder de ce mécanisme et ne pas risquer de perdre cet emploi? Il est bien évident que l'évolution se fout royalement de votre travail. C'est sûr que ça crée des problèmes. La personne, elle travaille, elle est mathématicienne, elle est comptable, et puis à un moment donné, elle a une pile de trucs sur son bureau, elle les comptabilise, et puis à un moment donné, il se passe quelque chose, alors elle prend tout ça, met ça là, c'est pour rentrer, puis elle fait des bons. Surtout quand tu oublies qu'il est au patron. Tu parles au gars qui est là, que le patron, c'est un... Mais c'est le patron. Ça crée des problèmes. La seule solution présentement envisageable par l'humain qui est dans une phase mutative, et l'humain ne mute pas parce qu'il vient à mes conférences. L'humain se comprend lorsqu'il vient à mes conférences. L'humain s'accepte. L'humain mute parce que c'est naturel. Ça fait partie des choses normales de l'évolution améliorative de l'homme. L'humain qui a ce problème dans un contexte de travail doit s'organiser. Alors, je ne peux pas répondre là, ça dépend du travail, etc., etc. Et je ne suis pas un solutionneur de problèmes personnels. Vous avez de l'intelligence chez vous et vos problèmes personnels ne sont pas là pour vous faire trouver un maître. Ils sont là pour que vous arriviez, vous, à vous trouver, à vous, à devenir votre seul maître et à les résoudre. Alors, je ne suis pas un solutionneur de problèmes personnels. La personne qui a ce genre de choses, elle doit instaurer dans la matière. Je vais vous donner un exemple. Moi, j'oublie les numéros de téléphone parce que je déteste parler au téléphone. Il n'y a pas d'énergie là-dedans, il n'y a rien. Bon, c'est bien évident que je suis capable de m'adapter. Mais pourquoi passer mon temps à mettre de l'énergie à l'adaptation? Alors, quand il faut que je téléphone quelqu'un, il faut que je cherche son numéro de téléphone dans un bottin, il faut que je trouve le bottin. Alors, j'ai acheté un petit gadget, n'est-ce pas, qui je peux mettre 200 numéros de téléphone là-dedans. Alors, je n'ai qu'à pitonner deux touches et puis ça signale pour moi en plus. Alors, vu que j'aime les petits gadgets parce que je suis passé par la phase de préscience, alors je mets ça sur mon téléphone, je pitonne et puis ça signale. Alors, j'ai réglé un problème. Lorsqu'on a les ordinateurs servent à ça. Les calculatrices servent à ça. Alors, lorsque la personne elle a un problème, par exemple, mineur, un problème de perte de mémoire dans un domaine particulier, c'est à elle de trouver une structure matérielle. La science, elle sert à ça. La science n'est pas avancée aujourd'hui à un point tel qu'elle est avancée, simplement pour détruire l'humain. Elle est là pour permettre la transition de l'homme vers le surhomme. Mais évidemment, il faut s'en servir là où elle doit servir. Mais pas là où l'homme peut faire l'affaire. On a une perte de mémoire dans un domaine, trouvons un moyen scientifique pour le combler matériellement en attendant. C'est tout. Alors la personne, elle doit faire ça. elle doit trouver un moyen matériel. Il y a tellement de choses. Lorsqu'on faisait des séminaires sur l'organisation, c'est là-dessus qu'on travaillait. Présentement, on n'en fait plus. Parce que l'humain ne veut pas suffisamment s'organiser. L'humain n'est pas prêt. L'humain veut évoluer. Alors, on sait faire le séminaire sur l'organisation. Le séminaire, on le refait encore, mais maintenant, il est exclusif aux personnes du PMC parce que ceux-là, ils sont réellement réceptifs. Alors, la personne, donc, je ne peux pas, je pourrais lui dire, alors, venez me voir en séminaire sur l'organisation, on va vous organiser. Et non. Organisez-vous. Dans la matière, trouvez une structure pour vous permettre de pouvoir suppléer à ce manque de mémoire passager. Et il y a beaucoup de choses au niveau des mutations qui vont nuire, apparemment. Et la science, elle sert justement à combler ce vide. Servez-vous-en là. Pas ailleurs. Merci beaucoup, Daniel. La semaine prochaine, ça fait énormément de fois qu'on me demande qu'est-ce que sera le monde nouveau, qu'est-ce que ça peut être un monde envisagé par l'homme nouveau. Enfin, tout ce qui regarde la société, ces choses-là, la semaine prochaine, c'est ça, c'est que la science des mondes meilleurs, l'écologie. Alors, si ça vous intéresse d'avoir une projection prescience, des bienvenus.